Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, oh, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Toi, t'es de bonne humeur, toi. Je suis de bonne humeur, écoute. Voilà. Comment ça va? C'est toujours toi qui demande. Ah bah écoute, ça va, je suis de bonne humeur. Bah ouais. Tu sais ce qui m'est arrivé? T'adores arrêter ce podcast, non, en fait. Non, mais justement, ça a été une jolie... Il est rayon... Je l'ai jamais vu comme ça pour les gens qui écoutent. Il est radieux, il adore. Mais non, mais justement, l'arrêt, j'ai été franchement étonné des réactions et touché. T'as été submergé par les réactions... Submergé. Par la, ouais. Et par les médias, presse. Je pensais pas que la presse. Ouais, bah ça, il gratte le buzz. C'est, ça, on s'en fout. Mais et je fais un petit bisou à Libération, dans lequel on a beaucoup chié. Et c'est... l'article était très mignon. Je m'en suis un peu voulu. Ouais, après, que... je l'ai détesté, le portrait. Mais on a peut-être pas. On était peut-être obligé de le dire autant. Ouais. Après, on l'a pas dit tant que ça. Ils ont dit, ouais, ils l'ont répété à chaque fois qu'ils ont non, c'est Chauvier Sud, c'est ça qui est on beaucoup, l'a dit deux ou trois fois. Mais là, l'article était trop cool. Oui, oui, super. Mais je suis de bonne humeur. Et pourtant, vous savez ce qui m'est arrivé hier? C'est le début de mon stand-up, vous me direz, je sais que vous faites le de la Covid scène. Le Covid, ah mince. Je me suis fait chier dessus par un oiseau. Oh. Ah. En marchant. Et ben ça m'est déjà arrivé, le jour de mon anniversaire. Et en fait, c'est gros, en fait. Non, mais moi, je m'imaginais... Vu c'était jour... un vautour, c'est quoi? Là, t'as fait un truc avec ta main, c'était vraiment une merde humaine, hein. Bah, j'ai pas vu la taille de la merde, j'ai pas vu me tomber dessus. J'ai pensé, parce que ça m'est arrivé devant un hôtel, et en fait, la consistance, je me suis dit, c'est un mec qui m'a gerbé dessus, là, vraiment, c'est pas une merde. Mais il bouffe du kebab, hein, les pigeons. Mais c'est ce que je me dis, les pigeons, je les vois, bien sûr, je les vois bouffer des frites du McDo. Bah, les fans déçus de l'arrêt. Putain, c'est lui, là. Non, mais en fait, j'imagine que t'es petit, mais en tombant, ça a fait un splash comme ça. Ah, oui. Et c'est vraiment tombé nul. Enfin, ça tombe jamais bien, j'imagine. Mais à moitié visage, épaule, sac à dos. Du coup, très bien, du point de vue de l'oiseau, très très bien. Et donc voilà, et donc il m'est arrivé ça, et pourtant c'est ton portable qui est tombé aussi. Au sol. Non, oh, c'est le portable de. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. De l'invité. De l'invité. Ah oh, oui, oui, faut pas dire qui c'est. Mais tu sais quoi, allez, c'est parti, je les présente. Non. Ça va toi, Adrien, quand même? Oui. Ça va. Notre premier invité. Arrêtez d'essayer de gratter des invités. On va faire ce qu'on peut, mais arrêtez. Voilà, je le dis comme ça. Non, mais voilà, bien sûr. Certains critiques littéraires ont analysé notre première invité comme une allégorie du colonialisme français. Et oui, quelqu'un de entre guillemets civilisé qui adopte les mœurs occidentales après avoir fui une ville humaine et qui de retour dans la jungle impose son mode de vie à ses congénères. Mais non, ça c'est babard. C'est des happening. C'était un happening. Il y a eu un petit vent de panique dans le regard. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il allait déterrer de mon passé pour sortir une telle... Mais non, c'est pas mal de trucs qui collent, mais ils sont pas censés être publics, c'est pour ça. Mais non, notre invité mène sur YouTube des enquêtes sur certaines personnes qu'on pourrait qualifier de zinzin. Et après Irregardable et Impionçable, il vient de tourner son nouveau film Irréalisable. Est-ce que tu as une date, une fenêtre de sortie? Début d'année prochaine, j'aimerais. Début d'année prochaine, très bien. Il est drôle et absolument pas un éléphant. Bah c'est Babord, oh, bien oui. Ouais, ouais. Merci, merci. Bravo. Comment ça va, Clément? Eh ben ça va super. Je t'appelle par ton prénom parce que moi je suis à l'aise avec les gens. Il n'y a aucun problème. Je me suis pas fait gerber dessus par un oiseau. Non, pas écoute, du tout. Ça me va. C'est Marocco de la fin d'épisode. Je le conseille aux gens. Notre seconde invitée est autrice, humoriste et comédienne. Elle a publié un livre il y a quelques années. Elle vient de lancer un podcast avec justement Babord et Étienne Lautret, 300% plaisir. Mais c'est bien sûr scène que vous pouvez la retrouver le plus souvent. En effet, si vous regardez le ciel la nuit, vous la verrez peut-être décoller de la terre, car c'est une véritable étoile montante de l'humour. Oh. C'est Camille Fievel. Oh, merci. Ça me fait plaisir. Comment ça va, Camille? Ça va super. Tu es de bonne humeur, toi aussi? Ouais, je suis trop contente d'être avec vous. Oh, on est Je suis trop triste que le podcast s'arrête. Je fais partie des fans qui sont tristes. Non, mais d'ailleurs, attends, parce qu'on est un peu virulent depuis le début. Non, gros merci, parce que les trois salles playel. On avait les larmes aux yeux, là, dans l'épisode bonus. on l'a refait trois fois. Non, mais je remercie, parce que les trois salles playel, pardon, se sont remplies très vite. Et donc voilà, merci à toutes les personnes qui ont pris des on places. On a playé le game. Oh. Je pense qu'on peut arrêter l'épisode. Ouais. Moi j'essaye maintenant de. Je vais être de moins en moins drôle pour que les gens. Oui, disons, aucun regret, c'est ça, aucun regret. Voilà. Non mais voilà, merci beaucoup. Par contre, je crois que les gens ne connaissent pas la salle Playel, parce qu'il y a des gens qui disent bah attendez, c'est la fin. et vous arrêtez sur une toute petite salle. Enfin, les gens, un gars. Non, un gars a eu un message très débile, mais beaucoup de personnes pensent, enfin, pensent que c'est une petite salle. Oui. Et mais en fait, non, c'est. Le message très débile étant, vous auriez pu faire l'Olympia au lieu d'un théâtre de quartier. Sachant que la salle Playel, il y a une capacité supérieure à l'Olympia. Supérieure à l'Olympia. Très con. Donc voilà. Donc c'est juste pour dire, la salle Playel, c'était vraiment le plus gros qu'on pouvait faire dans ce qu'on imaginait. Parce qu'après, ça passe en Dôme de Paris ou en Zénith. Et je pense que en fait, on préfère faire un show. On voulait pas faire des grandes, trop grandes salles. Parce que ça n'a aucun intérêt dans un podcast qu'on regarde. C'est selon nous, en tout cas. Donc voilà, on sait qu'il y a des déçus, on est désolé. On a mis en place avec la salle Playel, enfin, ils ont mis en place un truc de revente de billets. Voilà, s'il y a des gens qui peuvent ne pas venir, ils revendent leurs billets. Si j'ai vu déjà qu'il y en avait genre quelques-uns de revendus déjà, donc ça marche bien. Magnifique. Donc voilà, mais c'est pour ça qu'on fait la salle Playel. Et vraiment, c'est pas une petite salle. Vous verrez, c'est une très grande salle. C'est une grande salle. Vous pouvez chercher, googler capacité salle Playel, vous verrez que c'est autour de 2000 places. Tu veux dire qu'ils verront qu'on ment pas? Ils verront qu'on dit la plus stricte. Donc on va faire le jeu du Floodcast OpenAI. Bah tiens. Bah oui, Adrien, tu connais ça. Tu t'as vu Ghibli là? Non. Ils sont en train de le piller, le mec. Ce pauvre vieux monsieur. Il est millionnaire. OpenAI a mis fin à sa version GPT-4o de ChatGPT. À votre avis, pour quelle raison? Il y a une mise à jour qu'ils ont fait. Ils ont fait, non, faut qu'on arrête cette mise à jour, en fait. Parce que les gens étaient mécontents. Ah bon? Mais oui. Bah, c'est une vieille version, quoi. Elles deviennent obsolètes au bout d'un moment. Ce n'est pas parce qu'elle est obsolète. Si, si. Parce qu'il n'acceptait pas la vulgarité? Non, c'est pas ça, mais on s'approche. On est... C'était trop facile de lui faire dire des vulgarités. Non, justement. C'est pas ça. Est-ce que c'est pas qu'il virait des tendances politiques qui plaisaient pas aux... Il était un... Ouais. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça c'était DeepSeek. Ah, la... c'est DeepSeek, ouais. Ouais, la l'IA chinoise. Qu'est-ce qui s'est passé à Tiananmen? Rien. Ah merde. Ouais, apparemment un petit peu de fake news dedans. Alors, donc c'était parce qu'il y avait un truc, une sorte de dysfonctionnement ou quelque chose qui... C'est pas un dysfonctionnement, mais c'est un truc qui n'a pas été apprécié par les utilisateurs. C'est et pas donc, un truc genre trop woke ou un truc comme ça? Alors pas trop woke, mais on s'approche d'un truc trop quelque chose. Ok. Selon trop poli. Exactement, voire un peu suceur. Ah, c'est vrai. Pour utiliser des termes. Trop flatteur, ouais. Trop flatteur, ouais, trop gentil. Les adeptes de ChatGPT se plaignent depuis plusieurs jours. Moi, ça me faisait énormément de bien, mais bon, apparemment. Les adeptes de ChatGPT se plaignaient depuis plusieurs jours d'échanges devenus exagérément sympathiques. Mais c'est marrant, on en a parlé dans l'épisode. Mais moi, je disais... que justement j'aimais pas ChatGPT le peu que j'utilise, que je le trouve un peu trop suceur. Obséquieux. Les réponses commençaient ainsi systématiquement par des formules telles que « Ton idée est une pépite » ou encore « Merci d'avoir posé cette excellente question ». Une erreur reconnue par le patron d'OpenIA, Sam Altman, la mise à jour supprimée était trop flatteuse ou agréable, souvent qualifiée d'hypocrite, détaille la firme dans son communiqué. Dans cette mise à jour, nous nous sommes trop concentrés sur les retours à court terme et n'avons pas pris en compte l'évolution des interactions. Par conséquent, GPT-4o a donné lieu à des réponses excessivement encourageantes, mais malhonnêtes. Nous avons échoué et travaillons à y remédier. S'excuse encore la boîte. OpenIA dit désormais donner plus de pouvoir aux utilisateurs sur la façon dont ils interagissent avec ChatGPT, précisant d'ailleurs que si vous avez envie de retrouver cette version GPT-4o trop gentille, vous pouvez le demander. C'est juste que ce ne sera pas le ton par défaut. Ah oui, en fait, c'était le ton par défaut. Mais les gens qui se plaignent de ça, ils ont eu une bonne relation avec leurs parents, je pense. Mais justement, c'est nul, non. Ils sont encourageants et tout. J'en ai marre. Non, mais c'est vrai qu'ils trouvent tout bien. Et oui, c'est, non, ça. Mais c'est vrai. Mais surtout que, en fait, c'est pas ce que, enfin, moi, le peu que j'ai utilisé ChatGPT, c'est plutôt pour des recherches Google, en vérité. Mais pourquoi tu fais ça? Mais après, vous inquiétez pas, je suis allé sur Ecosia après. Ah, j'ai planté 6 arbres déjà. J'ai équilibré. Et effectivement, c'était genre, t'es avec des phrases, genre, rechercher le nombre de livres écrits par tel auteur est vraiment une très bonne idée. Et vraiment, c'est pas ce que je demande, dis-moi juste un chiffre. Ça retarde le moment de l'information, c'est insupportable. Oui, et puis j'aime pas que les robots, et si des robots nous écoutent, fassent les humains. Non, mais oui, fassent un peu trop les humains. Tu vois, c'est genre, non, t'es une machine, donc parle-moi comme une machine, voilà. Ouais, ouais. C'est comme, après, c'est comme quand tu googlisais des. 1-0-0-1. Non, mais c'est comme sur Google, moi je tape pas les questions, tu vois. Je tape, je tape pas quelle est la capacité de la salle Playel. C'est la capacité salle Playel. Oui, voilà. Et j'aime bien cette relation, moi, avec un ordinateur. Bah, donc utilise Google alors. Et c'est ce que je fais, mon pote. Voilà, mon c'est ce que je fais. Non, mais en plus, ChatGPT, tu peux, dans les paramètres, lui dire utilise plutôt. Enfin, tu peux lui donner des instructions globales qu'il utilise à chaque fois, quoi. Donc, tu peux lui dire ne sois pas flatteur et fais des réponses courtes, quoi. Mais j'aime bien que la machine reste machine. C'est pas lié à mon enfance plus que parfaite. On rebondit pas du tout sur ce que je viens de dire. On parle d'autre chose. Franchement, j'en ai aucune envie. Non, mais c'est parce que j'allais justement te lancer sur. Toi, t'aimes bien qu'elle te parle un peu? Non, bien pas du tout. Non. Ah, non, oui. Moi, justement, moi, j'ai mis dans les instructions globales. Fais des réponses concises, courtes, sans informations superflues, quoi. Mais toi, tu lui parles à l'oral ou tu lui écris? Parce que je pense je l'utilise quasiment jamais, mais c'est plutôt à l'écrit, quoi. Ok, ok. Parce que je pense que c'est peut-être les gens qui parlent aussi. Quand tu parles, je comprends que le mec te parle un peu plus avec des phrases genre ah ouais, très bonne question ou des trucs comme en ça. En plus, il met un peu le ton, c'est un peu énervant. Ah ouais, ah super. Mais oui, c'est ça. Il met des emojis aussi maintenant. Ah ouais. Oui. Ah dans les réponses, il met des emojis. Ouais. Ouais. Vous quand vous, je sais pas si vous l'utilisez déjà ou pas. Non, trop. Pas du tout. Non, moi. Pas du tout. Ouais. Si pour en support de Brainstorm quoi. Pour, c'est ça. Et justement, toi, t'aimes bien qu'il te parle normal ou tu préfères qu'il. Moi, je lui demande des trucs très précis. Je lui dis liste-moi 30 trucs, machin. Ouais, ouais c'est ça. J'avoue. Fais pas de zèle quoi. Oui, tu crées pas une relation. Avec lui. Mais d'ailleurs, j'ai lu une news qui m'a fait marrer. Apparemment, ChatGPT, ils perdent des millions de dollars, notamment à cause des Africains qui sont trop polis. Genre, ils vont faire une requête juste pour dire bonjour, comment vas-tu ? Et après, ils vont demander ce qu'ils ont à demander. Ouais. Mais du coup, ça génère, ça génère de la pollution, etc. Exactement. De manière colossale. C'était voilà, une des news que j'ai vu passer. On parlait de néocolonialisme. Oui, voilà. C'est mon truc. C'est la faute des Africains. C'est la faute des Africains, vous l'aurez entendu. Les Africains détruisent la planète. Pas du tout nous. Pas l'Occident. Mais moi j'ai lu que tu avais de meilleurs résultats quand t'étais poli avec ChatGPT, enfin avec les IA. Ça peut m'énerver ça. Bah ouais, mais parce que c'est apparemment lié à la façon dont ils sont entraînés. Et comme ils sont entraînés sur plutôt des textes qui sont bien rédigés et des échanges polis, bah en gros ils ont comme référence plutôt des échanges polis. Et du coup si tu leur parles comme ça, ils vont être plus précis, quoi, apparemment. Alors, moi, à mon avis, ça doit pas se jouer. Moi, je l'ai entraîné sur les 4 premiers DVD de Jean-Marie Bigard. Il est pas du tout poli, le mien. Le mien n'est pas tu du tout. Tu me donnes envie d'utiliser l'IA. C'est vraiment, tu m'as convaincu. Une IA avec la voix de Bigard. Ah ouais. Attention, là, on peut commencer à toucher du doigt quelque chose. En fait, c'est peut-être pour ça que le podcast s'arrête, en fait. Ouais. C'est parce qu'il y a ici l'IA Bigard. Plus aucun intérêt que le podcast existe. Une entreprise américaine spécialisée dans la recherche. D'ailleurs, j'ai testé un truc. J'ai donné à. Je sais plus si c'était ChatGPT, mais bon, bref, une IA. Je lui ai donné tous les titres d'épisodes du Floodcast depuis le début. Et je lui ai dit, inspire-toi de ça pour inventer des faux titres. Ouais. Bah, c'était assez bien fait. Ah assez ouais marrant. Parce qu'on est moins vulgose maintenant quand même. Je pourrais en lire quelques-uns. Ah bah oui, vas-y. Plus tard, mais tout à l'heure. Non, mais attends, pendant l'épisode. Ouais. Au débeauté. Une entreprise américaine spécialisée dans la recherche moléculaire promet de sortir avant la fin de l'année un sac à main unique en son genre. À votre avis, pourquoi est-il unique en son genre? Alors, pardon, vas-y. Non, je sais pas, c'était de la merde. On peut le manger. On peut pas le manger. Il est biodégradable. Il est écologiquement, il est bien mieux que tous les sacs avant. Quel est son Nutri-Score? c'est plus écolo parce que c'est pas du cuir de. Enfin, tu vois, c'est pas des vaches. C'est vegan, quoi. Il est en viande de synthèse. C'est pas vegan. C'est ça le truc qui est intéressant. C'est pas de la viande de synthèse. C'est des restes humains. Ce ne sont pas des restes humains. Attends, tu as dit la personne qui l'a créé, elle est spécialiste en. C'est une entreprise américaine spécialisée dans la recherche moléculaire. Ok, donc ça doit être bizarre. Il est fait en molécules. Ok, putain, très bien vu. C'est ça. C'est sûr que c'est ça. La molécule entre en jeu. C'est fait à partir d'êtres vivants. Enfin, vivant, genre conscient, quoi. C'est pas vegan. Oui, mais pas vivant. Oui, non, mais qui était vivant un jour. Oui, mais il y a longtemps. Des os des fossiles de dinosaures. Ou des trucs comme ça dans des. Alors, pas des fossiles. De l'ADN de dinosaures. En fait, de la peau de dinosaures recréée via de l'ADN. Mais non. Mais tu moi, dis je... la réponse là ? Oui. Ah ouais. Non, mais. Parce que là, j'ai dit, il joue au propre jeu. Son propre jeu, c'est trop bizarre. Il y en a plus rien à foutre, hein. un point pour Flo. Est-ce qu'il a défoncé son comté, tu dirais ? Ouais, je crois qu'on peut le dire. Par contre, un sac, je m'en fous, mais un petit carré de peau de dinosaure, j'achète, moi. Tu dis un petit portefeuille, ouais. Non, mais juste un carré de peau de dinosaure, comme ça. Un range-carte. Bah, c'est cool, non ? Ouais, c'est cool. Mais je comprends. Mais c'est quel dinosaure, on sait ? Le T-Rex, hein. Bah ouais, quitte à reprendre coup, ça doit avoir une corne de bâtard, quoi. T-rex, c'est... Non, une peau de T-Rex robuste et durable avant la fin de l'année 2025. Voilà l'objectif annoncé par l'entreprise de biotechnologie britannique Lab Grown Liver et The Organoid Company, société spécialisée dans la biologie moléculaire, qui se sont associés afin de réaliser ce projet ambitieux. Pour ce faire, et c'est vraiment dans Jurassic Park, hein, pour ce faire, les peaux de dinosaures sont fabriquées à partir de leur ADN, une innovation permise par la découverte récente d'un fragment de collagène préservé dans des ossements fossilisés d'un Tyrannosaurus rex vieux de 80 millions d'années. L'ADN de ce dinosaure a été reconstitué et intégré à d'autres cellules cultivées en laboratoire. Donc c'est du dino mélangé, quoi. C'est pas du pur dino. Oui, bon, oui, oui, 100% c'est du synthétique, quoi. C'est du synthétique pur dino. C'est du fake. Tu sais que j'ai appris un truc, et c'est vous dire à quel point je suis bête, hein. Mais j'ai appris Arrête, un truc. Non, mais. Que le sanglier était un mammifère. Ça, c'est ça là, y est, tu l'as terrible, appris. Ça, c'est un truc que j'ai appris pendant ce podcast. terrible. Ils ne pondent pas d'œufs. Effectivement. Ouais. Non, c'est les quand vous allez au musée des dinosaures, des squelettes, bah c'est pas que des os trouvés. Souvent la moitié, les trois quarts, c'est reconstitué pour que ça ressemble à un dinosaure. Mais ils n'ont pas retrouvé l'intégralité d'un dinosaure. Ils ont une clavicule, ils refont tout le T-Rex avec. Il y a un peu de ça, exactement. Bah, voilà. Ce qui est logique, en fait, tu dis oui, ils n'ont pas retrouvé parfaitement tous les os de chaque dinosaure, mais j'ai appris ça cet été. Voilà. Mais ils devraient faire un système où, genre, je sais pas, un truc de. T'appuies sur un bouton et ça t'éclaire les vrais os. Avec quoi. Des LED. Et bah, truc, et bah, c'est ce que ça. Parce que c'est pas cet été. Une c'est... idée que je balance comme ça. En vert. Ou l'audio guide, il te dit celui-là, c'est bien. Ouais, ouais. Mais à Bruxelles, il y a ça. C'est ah ouais. Ouais, ouais. Okay, il t'explique même comment ils font et tout, etc. Et c'est comme ça que je l'ai appris. Ouais, donc ouais. Voilà, un peu de culture. Pourquoi pas? Pourquoi pas au final? Ça va coûter combien un sac à main en dino? Alors, ils ne le disent pas encore. Mais à mon avis, je pense que ça va coûter. Oh. Oh. C'est la fin. En peau de Shirley. Il y a des photos, des protos et tout. Non, il y a rien du tout. Ouais. Non, parce que c'est un projet pour avant la fin de 2025. Je pense que ce sera. Ils devraient faire des vestes. Une veste en peau de dino, c'est. Ils vont faire un kiss-kiss. C'est le genre de truc qu'ils voient jamais le jour. Ils pré-vendent des trucs, puis après ils disparaissent. Oui, t'as raison, je pense qu'on est un peu là-dessus. Selon les paléontologues, l'aspect de la peau de T-Rex serait assez proche de celle des reptiles modernes. Le résultat final pourrait donc s'apparenter à du cuir de crocodile ou de lézard. De plus, le produit serait biodégradable, mais aussi tout aussi solide et durable que les cuirs existants aujourd'hui. Mais. Si c'est biodégradable, est-ce que c'est résistant? C'est pas antinomique comme idée? Bah, je sais pas, je me rends pas compte. Il pleut, puis t'as plus ouais, de sac. C'est ça. Ouais. Non, mais. Non, mais c'est imperméable, les dinosaures. Voilà, mais... ils sont ou alors c'est à cause de ça qu'ils sont morts. Il a plu, ouais. Quoi, ils sont tous morts. C'est normal qu'ils soient morts, quoi. Voilà. C'est vraiment si la pluie les tue. Le cuir, c'est biodégradable ou pas? J'en sais rien. Parce que c'est vraiment traité à fond avec des trucs chimiques. Demeuré. Ouais, c'est cool. La question me paraît horriblement simple et le fait que j'ai pas la réponse me rend fou. Bah après, quasiment tout est. Enfin, non, demande à des psychiques. Beaucoup de trucs sont biodégradables, mais après, c'est la durée qui varie, quoi. Non, écoute. Voilà, non, mais. Non, mais en plus, non, mais moi je pensais que la peau des dinosaures, justement, c'était pas du tout comme dans Jurassic Park et que en vrai, c'était ils avaient quand même plutôt des poils, plumes et tout. Ouais, et que... Bah, il y a les deux. En fait, ils ont un peu les deux. Mais oui, c'est vrai, t'as des. Je pense qu'ils ont de la peau sur leurs plumes. Sous leurs plumes. Ouais, mais j'avais, il me semblait que justement ils avaient pas du tout une peau de reptile, je pensais. Bah oui, enfin en tout cas, ce qui est vrai, si ils ont des peaux de reptile, mais il y a beaucoup de dinosaures effectivement qui ont des plumes, ça c'est vrai. Ah, j'ai du mal à y croire. Le sanglier est un pur mammifère. Okay, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Est-ce que vous revenez les dinosaures à la vie? Imaginons que là on est vraiment dans Jurassic Park, les dinosaures, on a réussi à les recréer. Est-ce que ça vous intéresserait? Bah oui. Je trouve ça intéressant, oui. Observer, oui, je trouve ça plutôt intéressant. Après, qu'est-ce qu'on en fait? S'il y a un parc, est-ce que j'emmène mon gamin? Oui, je pense aussi. Ouais. Est-ce que même s'il y a eu des morts avant, est-ce que j'y vais? Oui, franchement, c'est un risque. En fait, moi, j'aurais un dilemme moral parce que j'aime pas les zoos de base, quoi. Ouais. Donc là, ce serait un zoo avec des dinosaures. Non, mais tu recrées un animal. Ça, vous trouvez pas que ça pose une question éthique? Oui, mais un animal que tu gardes en captivité, quoi. Non, mais c'est ça qui est fou. Non, mais moi, je trouve que ça dégueulasse. Oui. Enfin, tu recrées un animal. Qui en plus tu le mets en captivité, ouais. Enfin il y a un tu truc. Fais, un oh peu... génial, j'existe à nouveau. Oui, ouais. Ouais. Je suis dans une cage, calme-toi. Non mais voilà, moi je suis pas certain que je trouverais ça. Tu sais, c'est ce fameux truc de pourquoi vous voulez explorer l'espace alors qu'en vrai sur Terre il y a déjà plein de trucs de ouf sous la mer ou des trucs comme ça. Tu sais, sur cette volonté d'avoir un truc auquel t'as pas accès. T'es anti-science, quoi, c'est ça que t'es en train de dire. Déjà, j'aime le progrès. Si, les virus ils existent, c'est peut-être pour une raison. Pourquoi est-ce qu'on essaye de faire des vaccins? Moi, déjà, je vais vous dire un truc. J'aime pas le mot science. J'aime pas le mot science. C'est une croyance comme une autre, en fait. Non, non, mais moi, que la science. Bien sûr que je trouve ça super, mais tu sais, c'est ce. C'est vrai que dans les fonds, moi quand j'ai fait un tout petit peu de plongée, et c'est vrai que ça m'avait un peu pété mon crâne, pour utiliser un langage de jeune. Ouais. C'est vrai que c'est. T'as à portée de main une faune et une flore absolument incroyables, quoi. À portée de main avec un petit budget, bien sûr. Oui, oui. Et mais, encore, plus. Enfin, t'étais pas très profond. Ah ben non, je pense, c'était du snorkeling, hein, moi, c'était plus ou moins. Non, non, c'était de la plongée, mais c'est vrai que c'est ce truc de. Comme aller dans l'espace. Moi, ça m'excite pas du tout d'aller dans l'espace, par exemple. Ça me terrifierait au plus haut point, moi. C'est ça. Mmh. On est d'accord. Ouais, ouais. Beaucoup de respect pour Katy Perry. Oui, on l'a pas assez félicité. Ouais. Non, franchement, c'est un courage. Ouais. Non, mais imaginons que ce serait facile, par exemple, d'aller dans l'espace. C'est un truc qui vous exciterait, en vrai, de non, vrai. Moi, je suis pour rester dans ma zone de confort. Moi, je suis contre les dinosaures. Ronnie Souvois, c'est voilà, très bien. Voilà, t'es contre les dinosaures. Parce que c'est trop dangereux, en fait. Non, mais imagine, ils sont terrifiants. Non, imagine, tu fais juste quelques herbivores qui peuvent même être laissés dans un champ avec des vaches. Des trucs sympas. Non, ça m'excite dans un peu. Joli pas mal, champ. Pas mal. Ouais, ça m'excite ça un va, peu. S'ils sont en liberté, Bon, après, il y avait un des mecs qui ont essayé de les traire pour faire voulait être dinosaure. C'est sûr, en fait, c'est ça, le problème, ça. L'homme ne peut pas s'en empêcher. Bah, ouais, mais... c'est ça. Dès qu'un animal, il veut le traire. C'est vrai, ça, c'est le propre de l'homme. C'est le propre de l'homme. Toi, Adrien, aller dans l'espace, par exemple, c'est pas un truc qui t'excite bah, un peu dans l'absolu, oui. Mais oui, tu vois, moi, pas du tout. Ouais, ouais, ouais. Non, mais après, il y a le côté, bon, c'est vraiment un caprice. Oui, qui non, mais oublions que ça détruit la planète. On fait des fusées solaires. Voilà, des fusées propres. Ouais bah ouais ouais un petit tour pour voir ce serait cool ouais. Ça, ça me fait penser au film de Michael Youn, les 11 commandements quand ils font l'entraînement dans la machine. Et qui dégueule. Ouais, ouais bien sûr. Il dégueule dessus et tout. Bien s'il faut faire ça bah je préfère pas aller dans l'espace. Oui mais c'est ça pareil. Tu sais à un moment pour le coup t'as bon, c'est vrai que je dégueulerais moi en fait. Je bien sûr. Ce que j'ai jamais compris c'est que j'ai l'impression qu'il gerbe parce que ça tourne. Pas le temps, la vitesse. La vitesse tu vas tout droit dans la fusée, ça te fait pas gerber d'être plaqué comme ça. Moi je peux gerber. Je peux facilement gerber. Non, mais je sais pas. Mais moi, personne n'a demandé à Thomas Pesquet s'il avait gerbé. Il s'est chié dessus, je crois. Ah oui, il l'a dit. Non, non, je... Thomas, le briseur de mythes. Thomas, si tu nous entends. Il a bandé, il s'est chié dessus, apparemment. Sur ce sûr. Attends, je vérifie. Ouais, Hugo Décrypte dit que oui. Hugo Décrypte, c'est confirmé par Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, point pop. Oui, c'est vrai qu'on n'entend pas des histoires de cosmonautes qui se sont vomis dessus quand ils partent, quoi. En parlant d'Hugo Décrypte, ouais. Bah, il a officiellement répondu à la question d'un meme. Ah oui, bah alors parce qu'on avait souvent posé la question, parce que dans les news d'Hugo Décrypte, à la fin, il y avait toujours un petit meme. Un excellent meme. Un meme politique, un peu, voilà. Et donc, nous, on se demandait si c'était Hugo Décrypte, ça nous a tenu toutes 2-3 saisons. Est-ce que c'est lui qui choisissait les mèmes à et la donc, main tu Et vois, donc, alors. Ils ont fait un article pour la fin du Floodcast, et donc les gens ont demandé dans les commentaires, et Hugo Décrypte a lui-même répondu. Attends, et bah, le compte, en tout cas. Le compte. Le compte, mais c'est le sien, ouais. Le, oui, oui, mais bon. C'est lui. Bah, si je choisis pas les mêmes. Alors, Hugo Décrypte, ouais. Tu viens en personne à la salle Playel pour nous dire si oui ou non. Voilà. C'est le rendez-vous est lancé. Il est pas pris encore. Ouais, il est lancé. Ouais. Mais et donc il a dit que non, ce n'était pas lui en tout cas. C'est pas lui qui choisit. Vous m'aviez dit qu'il y avait plus de place et que c'était complet, que vous pouviez inviter personne. Sur scène, si tu peux venir sur scène. Faut que t'aies un petit truc quoi, mais viens sur scène. Bien pour sûr. 300 balles. Ouais. 300 balles, tu peux t'asseoir sur le côté derrière le rideau. À la manière d'une voiture dans le Big Deal. Bien sûr. Attends, du coup, il a dit que c'était lui ou pas? C'est pas lui, d'accord. C'est pas lui. Il a démenti cette information. Mais j'espère qu'il est féru de même quand même. Oh bah, j'ose espérer. Mais qui ne l'est pas, Adrien? Ah bah, je me demande. Depuis le 21 avril, des millions d'euros ont déjà été dépensés pour parier sur quelque chose, mais à votre avis, sur quoi? La mort de quelqu'un? Non. Le nouveau pape? Oh putain. Pile dedans. Il est fou de religion, ce mec. Mais c'est vrai qu'il adore ça. C'est une croyance comme une autre. Effectivement, qui sera le nouveau pape? Hanouna, je crois, il a dit qu'il était chaud. Ça me fout dans la merde, cette mort du pape. Là, j'ai écrit un spectacle entier. Ah merde. Pour un pote à moi qui est drag queen. Ok. Et dans l'histoire, il a une apparition du pape François qui lui dit je t'aime. Et du coup, il part au Vatican pour demander en mariage le pape François. Et il y a plein d'audio dans tous les sens dans le spectacle avec le mot François. Ça me casse les couilles. Et du coup, le spectacle a commencé de jouer. Et... Ouais. Oh, wow. C'était le tout début là. Oh là là. Il faut jamais name dropper un nom de vieux schnock dans son spectacle. Jamais. Je referai plus jamais cette erreur. Ah, le mot vieux schnock m'a fait du bien. C'est le titre de l'épisode, malheureusement. Vieux schnock. Du coup, j'attends la fin du conclave impatiemment pour relancer la prod de ce truc. Ça me saoule. Après, cela dit, il faut qu'il renomme le spectacle. Heureusement, c'était pas dans le nom du spectacle. Okay. Mais ça peut faire de la promo, quoi. Si l'histoire, c'est qu'il veut rencontrer le pape est dans l'actu, j'ai envie de te dire. Après, peux dire, cette histoire se passe en 2001. C'était déjà un autre vieux qui est mort en temps. C'est vrai qu'on a enchaîné. Attends, il y a eu 3 papes morts, moi, de mon vivant, je crois. Jean-Paul II, Benoît XVI et lui. C'est ça ? Ok, 3 papes morts. Après. Prenez un pape jeune, peut-être, une fois. Et oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Frère Paul Adrien, par exemple. Hugo Décrypte. Hugo Décrypte. Donc oui, des millions de dollars ont été dépensés sur les plateformes de paris en ligne, faisant de cet événement l'un des plus populaires de l'année, a indiqué à l'AFP le Fair Play Sport Media, un site spécialisé dans le pari en ligne. Le site américain Polymarket, qui a été très prisé lors de l'élection présidentielle américaine de novembre dernier, a indiqué jeudi avoir déjà accepté plus de 5,7 millions de dollars de paris. Du côté des favoris, alors qui sont les favoris? Je vous le donne en mille. Le bookmaker britannique William Hill place l'italien Pietro Parolin, secrétaire d'État et numéro 2 du Saint-Siège en tête. Il est talonné par le cardinal philippin Luis Antonio Tagle. Non, c'est Tagle, mais bon, moi je dis qu'il s'appelle Tagle. Même tonalité chez Hot Shaker, un site web compilant les codes proposés par différents bookmakers qui placent le cardinal donc Parolin en tête des Papabili. C'est comme ça, les Papabili. Papabili. Papabili. D'accord. Les favoris pour succéder à François. Signe de l'engouement autour de cet événement, le site avait lancé une section spéciale consacrée au prochain pape. Un autre favori des réseaux sociaux est le cardinal ghanéen Peter Tucson, qui pourrait devenir le premier pontife noir. Donc du coup, il y a plein de gens qui parient sur lui. Il y a pas de petits poulains français là. Dans mais le, non, dans je crois pas. Hein, je crois pas. Mais les Frenchies, ça fait longtemps hein, qu'on n'a pas eu de pape français. Hein. On a perdu. Et qui était le dernier? Le sais-tu seulement? Pi 3, non, je sais pas. Je sais pas. Non, dernier pape français. Il y en a eu. Il y en a eu. Pierre Roger de Beaufort. Ah. Le dernier souverain, Grégoire, il s'appelait Grégoire XI. Voilà, mais il est mort. Ah oh oui, ça date. 1378. Ah ouais, ouais, ça date. Mais c'est drôle qu'il fasse des paris là-dessus. Ça veut dire qu'il y a vraiment des mecs qui doivent. Ils doivent avoir des coups, enfin des scoops et tout, genre lui. Personne n'en parle, mais lui, je pense qu'il peut être pape. Mets tout ton fric là-dessus, mais et essaye oui, de faire un gros coup. Quoi. Le conclave, le concept, c'est que vraiment, il n'y a rien qui sort. Quoi. Donc, je pense que c'est vraiment juste par rapport à leur carrière, peut-être. Ils se disent non, mais lui, il a fait ci, il a fait ça. Il y a des gars qui doivent avoir des tuyaux, quoi. C'est ça qui est drôle. Quoi. J'ai un super tuyau pour le pape. Là. Il y a un Autrichien. Personne n'en parle, lui, il va être pape, c'est sûr. Alors, la mort d'un pape, qu'on soit croyant ou non, disons-le, ça fait l'actu. J'ai envie de vous dire. C'est le buzz. J'ai un petit genre d'interview que je vous propose. Je vais vous donner des événements marquants de ces 30 dernières années. Et on dit si on s'en bat les couilles ou pas. Ouais, ou si vous vous souvenez de où vous étiez quand c'est sorti, tu vois. Alors, si vous vous en souvenez ou non, je sais que je fais ce jeu avec Adrien qui n'a aucune mémoire des dates. Mais c'est peut-être terrible. Que tu peux avoir. Alors, moi par exemple, j'étais trop jeune, mais est-ce que tu te souviens, Adrien, où est-ce que tu étais le 31 août 97 au moment de la mort de Lady Di? J'étais vers le pont de l'Alma avec une, avec une pancarte. Avec un appareil photo dans une bagnole. En tout cas, je m'en foutais, quoi. Ouais. Ça, c'est sûr. Vous étiez trop jeune. J'étais même pas né. Moi. non, franchement, je sais plus. Bah, moi, j'avais 17 ans, du coup. Oui, c'est ça, c'est vrai. Je me dis peut-être bah, que. Non. 11 septembre 2001. Alors, ça, je m'en souviens. Je me souviens, c'est que. C'était mon époque geek de film. Non, mais c'est vraiment l'époque où je me levais hyper tard et genre je sortais de mon lit, et je faisais un pas et je me mettais sur l'ordi directement et j'allais sur IRC qui était en gros des trucs de discussion quoi. Et je me connecte et tout le monde dit parle de ça quoi. Ouais. Et les gens ils disent waouh, il y a des avions, ils ont percuté les Twin Towers et tout. Et moi. Que j'étais déjà un super débunker. Je dis mais n'importe quoi les gars. Genre il y a un avion qui a probablement, tu vois, je disais c'est impossible et tout, dites n'importe quoi. Et il y a un mec qui m'a dit bah allume ta télé pauvre con. Et j'ai vraiment allumé ma télé, vraiment je vois vraiment les avions. Le docu que t'as sorti quelques années après pas mal fait le buzz. Ouais, je suis revenu sur j'ai regretté de lui avoir donné raison. Non mais ouais, j'étais dans le déni quoi. Clément, toi tu te souviens? Je me rappelle juste, j'étais dans mon jardin à Thônes, dans mon petit patelin de Haute-Savoie, et je suis rentré regarder la télé, et puis on a regardé ça en boucle toute la soirée. Et mais voilà, c'était le matin ou le soir? Moi je me souviens plus. Quand nous on a eu l'info. Moi j'en ai eu vent en cours d'après-midi, je crois. Je crois que c'était pendant l'après-midi. Ouais. Moi je me souviens. Ah, je me levais tard. Non mais moi je me souviens de mon grand-père venir me chercher. Il écoutait tout le temps les grosses têtes, mon grand-père. Peut-être que ça vient de là. Et il y avait pas les grosses têtes, et je faisais genre, mais pourquoi y a pas les grosses têtes? Pourquoi c'est les infos là? Pourquoi t'écoutes les infos? Et parce qu'il y avait eu attentat. Camille, tu te souviens, toi? Ouais, bah je me souviens de rentrer du collège à la caserne. Là, moi, j'habitais dans une caserne. Ah, et, c'est vrai. Et ma mère m'ouvre et elle me dit c'est très grave ce qui s'est passé. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ma faute. Et il y avait l'image en boucle à la télé, c'est tout. Je me dis rien de particulier. C'était la réunion parents-prof de début d'année le soir. Et la prof d'histoire avait dit on en parlera demain. Mais elle avait rien dit de spécial le lendemain. Est-ce qu'on... Elle avait pas un avis particulier sur la question. Elle a dit que ça marquerait l'histoire. Ça rentre pas dans le cadre du coup. 14h46, heure française. Ah bah tu vois. Donc voilà. Je me levais vraiment très tard apparemment. Ouais. Le 25 juin 2009, la mort de Michael Jackson. Y a pas de morts qui t'ont marqué? Bah si, Bakri. Oui, Bakri, bien sûr. Mais Bakri, je veux dire, Philippe Seymour Hoffman. Quand t'étais plus jeune. Mes parents. Un peu. Un peu. Vite fait. Qu'est-ce que t'es auto-centré, ça, ouais, un peu, ça me rend dingue. Non, mais. Non, mais quand t'étais plus jeune, par exemple, non, y a pas un événement quand t'étais petit. Non, rien ne te marque, plus, toi. Hein. Si, Walker, bah, si, en vrai. Non, je sais pas. Non, mais parce que j'ai mon âge, Coluche. Ah, j'ai connu la mort de Coluche. Ouais, ouais. Vieux schnock. Ouais. Un bon vieux schnock. Mais moi, j'ai. Ouais, ouais, j'ai. Mais attends, t'étais vraiment petit, cela dit. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Mais ça t'a marqué. Ouais, je me souviens que. Mais des fois, ça te marque parce que ça marque tes parents ouais, aussi. Je pense qu'il y avait ça. Ouais. Tu vois tes parents qui sont tristes et c'est bizarre, quoi. Ouais, exactement. Et exactement. Du coup, tu dis ah bon, mais. C'est... Parce que moi, par exemple, Michael Jackson, j'en avais un peu rien à foutre parce que j'écoutais pas et j'écoute pas. Enfin, maintenant, j'écoute depuis les accusations. Non, mais j'ai jamais trop écouté Michael Jackson. Mais par contre, je me souviens de l'été parce que il est mort en juin. De l'été où, par contre, tu pouvais pas faire un pas dans la rue sans qu'il y ait du Michael Jackson. Ni absolument. Oui. Il y en avait partout, quoi. Par contre, je me rappelle très bien celle de Jean-Marie Le Pen. Bon, bah, j'étais. Effondré, ouais. T'étais à République, ouais. Et d'ailleurs, je parle de Michael Jackson, parce qu'on en avait pas dans cette émission, parce que toutes les bonnes choses ont une fin. La célèbre boutique. Oh, non. Elle a refermé. Elle a été remplacée, ça y est. Mais oh, non. Terminée. C'est pas possible. King of Pop dans les grands boulevards. Putain. S'il y a des Parisiens qui c'est nous. C'est une boutique de Polanski maintenant. Merge de Polanski. Bah, c'était la blague, c'est qu'il y avait pas trop de merge de Michael Jackson dans la boutique oui, de Michael vrai. Jackson. C'est vrai que ça n'avait aucun. C'est des chemises. Ah ouais. C'était des. Bah, moi j'y étais allé une fois. Ouais, on et était rentrés dedans. C'est des vestes infâmes qui n'ont. Bah, des pulls Paris, tu sais, comme les. Un peu les. Aussi, ah ouais. Ou les alors des de vestes souvenirs. Avec des sequins et tout. Et il dit, oh, ça c'est Michael Jackson, ça. Mais ça n'avait rien à voir, quoi. Et il était aussi terriblement agressif et bizarre. Terrifiant, c'est ce que j'adorais, moi, dans le concept. En fait, c'est ça qui faisait le charme un peu. Ouais, grave. C'est qu'il était terrifiant. Ouais. Voilà. Ouais. Mais non, c'est devenu, je crois, une boutique de parfums. Moi, c'est mon pari qu'on défigure. Hein. Bah, tout clair. Fou quand Hidalgo, le là. Casse, ça, il n'y avait pas de l'aluminium partout dans sa si, boutique. Si, bien sûr. Bah, c'est un peu Michael. Comme son gant. Ça, c'est le gant qui brille. Bon, bah, les murs brillaient. C'était anti-onde. Je ne croyais pas trop en tout ce qui était. Il avait un chapeau en alu. Et je me souviens, sur la devanture, il y avait un mot. Enfin, une espèce de Wikipédia, enfin de fact, en disant la fille de Michael Jackson est née avec tant de millions de dollars, machin, etc., etc. Comme un truc un peu de self-made man, tu vois, où tu dis bah non, c'est la fille de Michael Jackson, donc évidemment ouais, qu'elle est riche. Mais il n'y avait pas de fin, quoi. C'était juste un fait. Ouais. La fille de Michael Jackson a tant d'argent sur son compte. Mais c'était sur la vitrine de la boutique. J'adore. C'est vraiment une boutique brouillon d'une autre boutique qui serait mieux. Mais c'est ça, tout est très bizarre. C'est vraiment, c'est ouais. Ils ont gardé toutes les idées, toutes les idées qu'ils ont eues en réunion, ils ont toutes gardées. Mais je vous invite à regarder un peu les avis Google de cette boutique. C'était. Oui, où tout le monde dit qu'il est agressif ouais, et bizarre. Ça me fait trop rire. Et qu'il est, ouais, qu'il non, force les gens à rentrer dans son. Il déteste Michael Jackson. Non, mais en fait, souvent, ce qui est marrant, c'est que c'est des fans de Michael Jackson qui y vont et qui sont agacés. Oui. Alors, j'en avais un de côté, c'est le magasin King of Pop est une arnaque par rapport aux fans de Michael Jackson. Ventre très agressif, on vous force la main. Mensonge concernant une fermeture du magasin où tout doit disparaître. À part les photos en vitrine, il n'y a rien sur Michael. Waouh. Tu l'as dit, peut-être pas un mensonge du coup, parce qu'il a vraiment fermé. Ouais, non, bah si, parce que là, ça date de. Oui, de, oui non, non, un c'est mensonge. 2015. Pas très étonnant finalement. Mais c'est drôle comme tricherie oui. De dire non, mais là, faut que vous achetiez parce que tout doit disparaître. Bah après, ouais, il a repris la technique de tous les sites internet où tu sais, t'as un décompte qui te dit ah, il y a une promo qui s'arrête ouais, dans 3 ouais. heures et tout, oui, donc vrai. Tu te dis je vais acheter. Tu sais que j'ai encore. Enfin, vous savez, j'ai tu encore. Tu t'es encore fait arnaquer par. J'ai failli me faire arnaquer non, sur Instagram. Là, ça suffit maintenant. Mais c'est fou. Par quoi par un truc de par une pub. Par une pub. Les likes là. Non, il y avait une pub. Alors maintenant, je suis plus con. Je fais Trustpilot avis Google avant de cliquer sur le lien qui m'a un peu chopé. C'était une mini télé qui diffuse les Simpsons. Et quand t'appuies dessus, ça change d'épisode. Tu vois, une espèce ouais. de mini télé. Je trouvais ça un peu marrant comme gadget, oui. tu vois. Un après, truc après, c'est oui. la sélection naturelle au bout d'un moment. Exactement. Et en gros, non mais et en fait, c'est une c'est arnaque. C'est la mini télé qui est juste là. Non. Ouais. J'ai failli me faire avoir. Ouais, ouais. Après, ça doit exister. Ça doit être même et assez en simple gros, à faire. Hein. Et en gros, je me suis renseigné. Et c'est un mec qui a fait ça, un fan des Simpsons qui a créé ça de son côté. Qui a fait des vidéos avec un Raspberry Pi, j'imagine. je sais pas aussi calé que toi. Je suis pas dans le game de l'imprimante 3D, etc. Mais oui. Je suis un maker, je te le fais si tu veux. Ah, mais moi je serais ravi. Je suis incapable. Et du coup, c'est pour ça que. Parce que je trouve ça bien fait. Je fais putain, quand même, il y a les vidéos, il y a le truc, il y a le mec qui le monte. Donc je me dis putain, ça a l'air. Et en fait, non, c'est une. Ah, ils ont volé le contenu du gars. Exactement. Et il y a Cyprien c'est... qui dit j'ai acheté cette télé. Le pauvre... c'est vrai que parce c'est que Cyprien s'est fait voler son image pour des fausses pubs. Ah, en IA, oui. Ouais, ah, IA, ouais. Où il dit oui, j'ai investi dans ce truc et tout. Mais enfin, non. C'est horrible. Ah, ouais. Mais je sais pas d'ailleurs, j'en ai pas parlé avec lui. Après, que... c'est ce qu'il dit, quoi. Tu penses que c'est une IA de Cyprien qui dit qu'il s'est arnaqué. Mais j'en ai pas parlé avec lui, mais c'est... je me demande si le fait d'en parler, parce que c'est un des. Lui, il en parle tout le temps du fait qu'on. Enfin, non, il en parle tout le temps. Dès qu'il y en a une, il dit putain, ça me saoule, quoi. Est-ce que c'est le fait d'en parler qui fait que tout le monde l'utilise derrière? Parce que c'est effet le seul. Trésande, tu veux dire. Mais je me demande, parce que c'est le seul que je vois. J'ai jamais vu de fausse pub avec Squeezie en IA ou avec Lena Situation. C'est aussi, bah, le kombucha, c'est. Ah, j'espère, ça me paraissait, ça paraissait étrange. Ouais, Squeezie qui fait de la boisson, mais ça n'a aucun sens. Aucun rapport. Un youtubeur qui fait un truc qui se boit ou qui se mange. Non, ça n'existe pas. D'ailleurs, j'aimerais quand même dire un truc à Squeezie parce que sa boisson est un plagiat de l'eau que vous voyez là. C'est-à-dire que le kombucha, c'est de la merde de Vincent Lindon diluée dans de l'eau. Et effectivement, c'est meilleur nutritionnellement qu'un soda. Ouais, la crotte de Vincent Lindon. La crotte de Vincent Lindon, il y a des nutriments, il y a des. Bah, il nous a un peu coupé l'herbe sous le pied parce que c'est vrai qu'on a arrêté le podcast parce qu'on sortait. Bien sûr. Je sais pas, j'ai pas le nom. Le podcast cola, le podcast cola. Ouais, j'ai cherché un truc avec Lindon. La merde de Lindon cola, mais t'emmerdes pas. Cola. Ouais, salaud. Je finis ce petit truc d'interview qui prend pas, mais c'est pas grave, on va aller au bout. L'incendie de Notre-Dame. Bah, j'étais dévasté, moi. Ah, toi, t'as fait un bad buzz. Oui, j'ai fait un bad buzz ce jour. Ah ouais, ouais. Enfin, un bad buzz. Oui, oui, bah. C'était le soir. Ah, bah, ça, je me rappelle très bien. Parce que c'était le soir, il y avait le final de Game of Thrones. Il y avait le final de Game of Thrones. C'était un lundi. Je sais pas. Et je sais pas, j'avais tweeté, genre, c'était encore en train de brûler. J'avais tweeté un truc, genre, bon, il serait temps d'arrêter de chouiner, de passer à autre chose. Par quoi on remplace ce truc? Et j'avais mis des options, un choix multiple, genre, je sais pas, un food truck, un centre commercial, un truc comme ça. Et on a commencé à me mettre des trop tôt, et du coup. Alors, il n'y avait même pas de mort, Pour moi, les trop tôt, c'est quand il y a des morts. Oui, et, gens, et du coup, j'ai supprimé parce que je voulais pas que ça me gâche ma soirée Game of Thrones. Je me rappelle très bien. J'aime bien cette. J'ai un peu comme toi. C'est pas trop tôt s'il n'y a pas de mort. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas trop tôt s'il y a pas. Ouais, mais les gens en ont vraiment fait des. Bah, c'est pour ça que moi, j'avais fait ces stories où je me foutais de la gueule des gens quand on faisait des caisses sur Notre-Dame. Non, mais alors d'ailleurs, je l'embrasse, mais Marjorie Lenoir m'avait fait une petite remarque sur ce tweet. Et il n'y a pas de problème. J'adore Marjorie, mais ça faisait. Ou elle avait liké un truc qui disait. C'est un peu trop tôt. Du coup, j'avais supprimé. J'en veux pas du tout à Marjorie, je le précise. Non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est un peu limite d'avoir fait ça. Ouais, voilà. Nous, on faisait des caisses. Nous, on faisait un flot de caisses. Non, c'était énervant. Mais tout le monde voulait un peu tirer la couverture à soi comme s'ils étaient fans de Notre-Dame et d'un coup, ils étaient. Donc, ils faisaient tous leur. Qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, c'est ça. J'ai découvert le beurre. Et dire que la semaine dernière, je passais devant toi et je te voyais. Oui, bon, allez, c'est bon. C'est... Moi, j'ai juste découvert... toi à brûler, arrêtez quoi. Moi, j'ai découvert le buzz de Notre-Dame. Alors qu'il y a l'église à Châtelet qui est magnifique, dont personne ne parle. Saint-Eustache. Personne n'en parle. C'est vrai qu'il est magnifique. Mais alors là, Saint-Eustache sous-côté. Je vous le dis comme je le pense. Ouais, mais n'en parlez pas trop. Après, il va y avoir plein de gens. Après, j'ai brûlé comme par hasard. Tu te souviens, toi, Camille? Bah, je me souviens du tweet de Baba. Oui, il a fait son petit temps. Ouais. Je l'ai reposté d'ailleurs quelques années plus tard. On a beaucoup parlé de ce jour-là. Genre 2 ans. Vas-y. C'est de plus en plus récent. Donc là, j'ai hâte de voir un truc qui s'est passé il y a 2 jours. Vous vous rappelez quoi. Et je m'en rappellerai toujours pas. Le lancement du kombucha de Squeezie. Vous étiez. Moi, j'ai pleuré, pareil. Ouais. Le début du Covid. L'annonce du Covid. Où est-ce que vous étiez? Bah, chez moi. Non, mais ça, c'est le confinement. Mais le moment où. Ah, bah, le Bataclan, du coup. Enfin, non. Enfin, c'était le début où t'es. Non. T'étais le patient zéro, on peut le dire, t'as lancé le Covid en France. Non, je me souviens moi d'avoir fait un tournage dans sublime programme et où on nous disait où il veut pas le dire, regardez-le. Mais je me rappelle même plus. True Story, non. True Story. Non, c'était ça. Si, c'était ça. Ça s'appelait True Story. Le truc où il y avait des youtubeurs qui. Pas que, après il y avait des gens, il y a des acteurs et tout, mais qui racontent des anecdotes. C'était des youtubeurs qui interviewaient. Ah oui, t'as raison, pardon. Interviewaient des célébrités qui racontaient une anecdote et après l'anecdote était mise en scène et tournée. Voilà. Et j'ai eu la chance de tourner là-dedans. T'étais dans l'anecdote de qui, toi? De Zaya, je crois. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Tout est bien. On commençait un peu à parler du Covid, mais pas trop. Mais c'était surtout en Italie où on disait ah là là, en Italie, c'est vraiment la merde et tout. Et vraiment, l'équipe de tournage revenait d'Italie. Mais on prenait quand même pas trop encore au sérieux le Covid et tout. Donc on se fait tous la bise et tout. Et en fait, c'est sûr que ce tournage a été. Je sais pas si on peut le dire. C'est vraiment pas une super pub pour la prod, mais ça a été un énorme cluster. Parce que moi, j'ai revu après les gens. Des années plus tard sur d'autres tournages et à chaque fois que je leur disais putain mais tu sais que moi j'ai chopé le Covid je pense sur ce tournage et ils m'ont dit ah bah ouais moi aussi en fait tout le monde a chopé le Covid sur ce tournage. C'était le Covid original en plus. Ouais, c'est ça, c'est le vrai. Et du coup moi je l'ai ramené du coup sur scène au Bataclan mais personne l'a chopé. Non, moi je l'ai eu vraiment beaucoup plus tard. Mais moi j'ai eu le Covid avant le confinement quoi. J'étais déjà covidé quoi. Vous avez vu comme il se la pète. Ouais, mais je suis early adopter du Covid, voilà. Vous vous souvenez? Moi je bossais chez Hanouna à cette époque. Ah ouais. Ouais. Il était encore très à gauche. Hein, à l'époque. Non, mais j'ai fait ça 3 mois et c'est le Covid qui a mis fin à cette belle collaboration. Parce que du coup, quand on a été confinés, je dis oh, bah, les auteurs ça dégage, on garde que les. Bah, ouais. Je servais à rien, franchement, je servais à rien. À un moment, j'ai fait une blague sur Chewbacca en me disant oh, c'est bon, ça parle à tout le monde. Et on m'a dit ah, Baba déteste Star Wars, surtout pas. Attends, c'est un scoop, ça va le rendre fou. Et voilà, donc vraiment, il y avait des trucs. Il y avait des trucs, tu te dis ah, si je tape dans du mainstream, ça va. Et non, non, il fallait surtout pas. Donc, voilà. Si t'aurais appelé, j'étais très malheureux. Qui, tu fais le malin à parler Star Wars. Hein, vas-y, descends, vas-y. Tu te prends pour qui là? Je regrette avec le recul. J'avais la possibilité de faire des réunions du matin avec lui. Et en fait, je préférais rester tweeter et faire autre chose sur mon ordi. Avec le recul, j'aurais peut-être dû pour l'expérience. Bah, aller... un petit peu. Non, mais en fait, le truc, c'est que si t'y allais une fois, t'y allais à chaque fois après. Et j'avais pas envie de travailler. Juste pour avoir sa réaction. C'est son quoi visage. Qu'est-ce que tu as dit là? Se crisper. Quand tu dis, ouais, c'est ça. C'est une blague sur Star Wars. Pardon. T'es un malade. Tu sors. On a rien à foutre. Je faisais plus rien. Tu fais tes excuses en direct. On a rien à foutre. Il s'est passé un truc de grave, les chéris. Je te mets ensemble. Mais je suis même pas dans l'émission. Hier, sur le plateau, il s'est passé quelque chose de grave. Il y a eu une blague sur Star Wars. Camille, tu te souviens? Ah, je me souviens du dernier verre avant la fin du monde, ouais. Où on n'y croyait pas du tout et on faisait des blagues genre pain de mie là, de problémos, tu sais. Pandémie, pain de mie, ouais. Et on se disait bah demain quoi. Ouais, c'est ça. Allez. Moi ma meuf rentrait d'Amazonie et elle était un peu coupée du monde du coup. Et du coup, quand elle voit les infos à l'aéroport et tout, elle dit mais c'est chaud là en Europe. Et enfin moi je fais mais non, tout va bien, c'est en Italie. Y a rien du tout, c'est là la France, y a passe pas le tunnel du Mont Blanc le Covid, je te le dis, c'est une grosse grippe. Une grippette, voilà. Et elle est rentrée 4 jours après confinement. Ouais, putain. Ah. Moi quand pas je ramène à moi, j'adore ramener tout à moi. Non, mais moi j'avais les symptômes, mais comme tu pouvais pas sortir et tout, il fallait que t'appelles un médecin. Exactement. Au téléphone, il te disait c'est quoi vos symptômes? Et tu disais, il disait, ouais, bah c'est le Covid. Ouais, c'était vraiment un super système. Après, moi, bon, j'avais. T'as vraiment... quand même les pailles dans le nez qui te permettaient assez facilement de savoir. Non, mais attends, il y avait pas au début. Début. Ah, oui, non, début, ouais. Mais c'était au tout début, quoi. Oui, et c'était le bordel. Les docteurs. Non, non, mais excuse-moi. Non, à l'époque, les docteurs nous forçaient à boire notre propre pisse. Je te parle de tard à l'époque, hein, moi. Et ouais, c'était genre. Et du coup. Tu avais saigné, c'est ça? Non, mais en fait, ce qui était horrible, c'était. Il disait, oui, bah c'est le Covid. Et tu fais, ah d'accord, donc la maladie hyper grave dont tout le monde parle, je l'ai, et donc ouais bah vous l'avez. Doliprane. Et qu'est-ce que je fais? Ouais, oh non, moi je sais pas. Donc c'était horrible. Oui, parce qu'en fait ils savaient pas ce que. On oublie qu'au tout début, enfin on a eu assez vite des vaccins et tout, mais au tout début. Ça avait rien de la maladie, quoi. Moi je me souviens, il y avait une copine qui m'avait dit ouais c'est une sorte de grippe et après en fait ça détruit tes organes de l'intérieur. Oh, ouais. Ah, mais... par contre les gens ils disaient mais c'était l'employeur de Clément, ça c'était Cyril. C'est une copine à moi qui est agrégée. Oh waouh. Mais même moi, enfin j'étais surtout asthmatique quand j'étais petit et maintenant ça va. Mais quand j'ai eu le Covid, je sentais que j'étais et genre heureusement j'avais une voisine qui était médecin et qui m'a donné genre une sorte de Ventoline ou un truc comme ça, quoi. Vraiment c'était assez moi c'est depuis que j'ai le vaccin, je sens que c'est pas pareil. Je bip aux aéroports déjà, ouais, trop bizarre. Ouais, puis je sens que je mange plus les mêmes choses, ça a plus le même goût. Ouais. Donc Duolingo. Bah ouais. Voilà. C'est quoi la question sur Duolingo? Ah, quoi le nouveau truc de Duolingo? La langue des signes. Pas la langue des signes. Attends, c'est un nouveau truc que tu vas pouvoir apprendre. Ouais. Distinguer les fake news. Non. La langue de bois pour parler avec Macron, peut-être. Oh là là là là. Coder. Allez. Pas coder. C'est une matière scolaire qu'on trouve à l'école ou pas? Non. L'espéranto. Okay. Non. Mais c'est un langage. C'est une langue. Pas une langue. Ah. Attends, je crois que je l'ai lu, mais je me souviens plus. Est-ce que c'est la Macarena? Je te rappelle que ça s'apprend pas, c'est tu l'as dans le sang ou pas. Ouais. C'est un truc qu'on pourra quand même faire sur ses chiottes depuis le téléphone. Bien sûr. Non mais que je qu'on sache. Bien sûr. Et c'est en tout cas le CM pourra continuer à faire des blagues sur des posts d'influenceurs. Ouais, c'est une matière de l'école ou pas? Ce n'est pas une matière d'école. C'est vrai? Non, mais au moins ça monte. Vous avez 10 ans. On s'écoute plus en tout cas. C'est la survie. Ça je venais de dire qu'on s'écoutait plus. Bon bref, tu m'écoutes pas. Bon allez, prends un petit carton, t'appuies sur la tête. Est-ce que c'est un savoir-faire? Genre t'apprends à faire quelque chose quoi. Oui oui c'est ça, oui oui. Mais c'est un truc Est-ce que c'est juste une connaissance ou c'est un truc un peu plus genre de la poterie ou c'est un truc que un savoir faire tu veux dire pauvre con putain mais non, non plus tu m'écoutes Adrien, pas en fait. Adrien tu insultes l'invité. Ouais, c'est, ça. C'est un savoir faire de la poterie putain. Oui oui c'est vrai que c'est je viens de réaliser. Non pardon. En fait on s'écoute plus. On s'écoute plus. On peut préciser qu'on est un trouble. Oui oui. Ça les gens savent pas. Autant avec Camille on s'est un peu automédiatisé mais c'est avec toi on n'a pas encore mis dans les coins. Donc non c'est effectivement une c'est une sorte de savoir-faire mais c'est pas de la poterie non plus tu vois c'est pas mais c'est un truc qui peut être manuel. Pff, non c'est pas... un truc oral quoi quand même. Non est-ce que c'est un truc de l'automéditation? Non, ah, non. Du sport, un truc sportif? Pas sportif. Ça utilise est-ce que c'est un truc de développement personnel? Non pas du tout. Okay. Faut savoir que Duolingo déjà il proposait depuis deux ans des mathématiques et de la musique par exemple. Ah ouais, ouais, apprendre ça aussi donc ça. Des matières de l'école là pour le coup. Là c'est des matières d'école pas là, ce qu'on cherche. Est-ce que c'est un truc qui est utile dans la vie? Non pas spécialement. Ça t'apprend les mêmes? Non. Tu dis donc, c'est quoi donc ce c'est même un peu gadget. Enfin c'est pas gadget parce qu'il y a des gens c'est très important pour eux. Il y a même des compétitions de ça, mais ce n'est pas sportif. Le cri de la mouette. Pas le faire le cri de la mouette. Chanter. Imiter des porcs. Bah il y a des compétitions. Pas chanter. À lire et écrire. Non. Pas lire et écrire. Non. Mais c'est le même délire que la lecture rapide. Parce que pas exactement c'est le une arnaque. Non. Oui c'est. On invite aux gens à regarder ta vidéo sur la lecture rapide. Alors moi c'était l'écriture rapide, c'est J'ai 1000 grammes qui a fait la partie lecture rapide. Ah oui c'est vrai, mais c'est ça pardon. C'était une collab, c'était ensemble, donc, oui c'est ça, excuse-moi. Ouais. J'ai précisé. Ouais, j'ai merdé. Si hein. Tu peux, Florent. Je présente mes excuses. Attends. Putain. Ah, donc tu dis c'est un truc qui est très important pour certaines est-ce personnes. Que il y a des compètes. Ouais, est-ce des que c'est un truc genre il y a même des séries. Enfin, il y a eu une série. Ah les échecs. Allez. Ah joli. Et oui, apprendre les échecs. Ah c'est cool. Putain, c'est cool. Franchement, ça m'intéresse. Bah ouais, grave. Attends, je suis tellement nul aux échecs. Mais moi, j'ai jamais joué. Et en ce moment, je me dis, ah, j'aimerais bien avoir cette compétence. C'est très facile à apprendre. C'est dur d'être bon, mais ça, oui, oui. Ça s'apprend. Oui, moi, c'est ça le truc. Moi, j'ai des souvenirs de ce que fait chaque pièce. Ouais. Tu vois, genre la tour va tout droit, oui, en fait, le cheval en biais, enfin le cavalier, tout ça. Mais à jouer, je pense non, que c'est jouer. Le fou qui va en biais. C'est le fou qui va. Et le cheval il fait clac clac. Ouais. Ah oui c'est ça. Donc vous savez donc je suis très bon d'échecs. Je suis très branché. Mais je pense que une fois devant une partie c'est catastrophique et surtout moi je pense que ça m'ennuie en fait. Je pense que très vite ça me fait chier. Alors dès que tu te mets un plug anal dans le cul c'est pour avoir les coups à l'avance, c'est super ça change l'expérience. Ça c'était une vraie info. Ça j'attends le docu Netflix sur ça. Après déjà sur le tricheur. Je sais pas si c'était une vraie info. Parce qu'il ah ouais toi tu penses pas tu penses que c'est du fake. J'en sais rien, ouais. Je dis pas qu'il a pas triché, mais c'est juste ça a jamais été prouvé déjà. Ah, et surtout, prouvé, ça reste quand même un très bon joueur. Il continue de faire oui, des c'est compétitions. Vrai, c'est un grand maître, c'est pas non plus un nul. C'est juste Magnus avait été perturbé parce qu'il touchait tout le temps sa montre et il avait déjà eu des soupçons de triche quasiment avérés par le passé quand il était plus jeune. C'était un truc comme ça. Mais ça a jamais été prouvé. Parce que c'est un mec qui était accusé de tricher parce que l'accusation portait sur le fait qu'il avait potentiellement un plug anal dans le cul géré à distance et qu'en gros la personne à distance faisait vibrer pour lui dire quoi jouer. Exactement. Via la vibration dans son cul. Moi, il y a pas beaucoup de théories du complot auxquelles j'ai envie de croire, mais celle-là, j'ai très envie de croire. Il a tout du méchant. Il s'appelle Hans Niemann et il a vraiment une tête de méchant. Il est hyper arrogant sur Twitter, il est insupportable. Mais c'est un Will Ferrell d'Annie McBride. C'est un personnage. T'as envie de faire ce film. Je veux l'écrire pour Jonathan Cohen et je veux que ce film existe complètement. Évidemment. Il faut vraiment un insert gros plan sur quand il se met le plug dans le cul, quoi. On peut avoir c'est une doublure one man, pour one le trou de balle. Oui, c'est ça. Le plug peut être doublé par un acteur célèbre. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à ce. On sait pas vraiment si c'est du fake ou pas, mais King of Kong, je sais pas si vous avez vu ce. C'est un documentaire sur les compétitions de Donkey Kong en salle d'arcade. Okay. Et ça suit un mec qui rêve de devenir champion de Donkey Kong et l'antagoniste, on dirait un personnage de Ben Stiller, quoi. C'est vraiment le mec. Enfin, c'est dur à décrire, mais. Billy Mitchell, c'est parce qu'il a une nuque longue. Oui, oui, une il cravate. A une nuque longue et. Genre il est hyper arrogant et genre tu vois le gentil entre guillemets qui est en train de jouer à Donkey Kong et l'autre qui passe derrière qui fait ouais ça m'intéresse pas de regarder ce genre de truc et il a ses mecs qui le suivent un peu genre enfin il a son entourage et tout enfin c'est mais c'est une compète de quoi. Donkey Kong voilà c'est donc ça, le truc donc, vraiment mais, de gros bouffon quoi tu dis que c'est un curseur au point où tu remets tu oui. dis c'est scripté c'est ça bah, ou tu poses la question un doute. Ouais, tu dis okay, non mais c'est pas possible qu'un mais gars t'es comme seul ça à te dire ça ou... non il y a beaucoup de gens et tu dis mais c'est parce que c'est non mais je comprends mais non sur y a Reddit vraiment... y a au moins une autre personne que toi qui en parle exactement mais vraiment j'avais Reddit en tête c'est là que je l'ai lu et où des gens posent la question quoi est-ce que c'est un vrai truc ou pas parce que le mec on dirait vraiment un personnage de on dirait le mec dans Dodgeball quoi Ben Stiller on dirait vraiment lui quoi et le docu est réalisé par un mec qui a fait plein de comédies derrière. C'est le mec qui a fait Comment tuer son boss, le remake de Alerte à Malibu. Ouais. C'est un, c'est un réalisateur, c'est un vrai réalisateur c'est de. Presque un mot plus menteur. Bah on sait pas, on sait pas. Mais c'est vrai que ce perso est haut en couleur. C'est fou. Mais je sais pas si où est-ce qu'il est dispo ce truc. C'est vraiment un bon film en plus, un bon document. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais, c'est vraiment bien. The King of Kong. Donc oui, pour terminer une leçon sur Duolingo, pas besoin de terminer une longue partie d'échecs. Ce sont des petits puzzles à résoudre où il faut déplacer quelques pièces, pardon. Il y a aussi des mini-jeux contre un ordinateur, voire des parties complètes. L'ordinateur en question, Oscar. Enseignant Oscar Sisto, je crois. Oscar Sisto. non, mais voilà. En gros, c'est tu peux apprendre à jouer aux échecs. Mais sachant qu'il y a ça sur l'appli de chess.com, ouais, apparemment. Sur Chess aussi. Ah ok, d'accord. Mais elle est gratuite ou pas? Je sais pas. Il y a un abonnement premium, mais t'as quelques entraînements gratos. Okay. Ah, mais donc vous êtes un peu fou d'échecs ici quand non, même. Non, moi je suis nul à chier. Ouais, j'ai arrêté parce que ça commençait à me nuire sur mon ego et je commençais à plus croire en moi. Je me disais, c'est bon, c'est sûr, je suis attardé mental. C'était chaud, je perdais contre des gens qui étaient nuls à chier. Moi je regardais des vidéos pour apprendre des ouvertures et tout. J'étais hyper studieuse et je restais nulle à chier. Et je me suis dit, je vais arrêter parce que ça me met trop mal en fait. Oui, mais t'as fait 10 parties, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est... Non, elle avait même ça, pas son fait... classement, elle était même pas encore classée en termes d'Elo. Si, j'avais un Elo de merde et je perdais contre des gens qui avaient moins bien que moi. Mais non, mais il fallait te stabiliser. C'est juste, t'étais moi, pas encore si je peux te conseiller le documentaire Kaizen. Ne pas abandonner parce que bon, un peu facile de, quand voilà. Il y a quelque chose comme ça que vous aimeriez donc outre les échecs en pro visiblement, mais des trucs que vous aimeriez apprendre à faire. Tu parlais de la langue des signes tout à l'heure, par exemple. Moi, j'aimerais beaucoup apprendre la langue des signes. Ah ouais, c'est un truc moi, que pas je pourrais. Du tout. Oui. Ah ouais. Mais moi, oui, moi aussi. Moi, je m'étais renseigné à une époque pour l'apprendre. C'est ça. Je trouvais ça bien, cool. Ouais, je me sens toujours un peu une merde de quand je vois quelqu'un de sourd-muet. Aux caisses de la FNAC maintenant, il y a des personnes sourdes muettes qui te disent qui s'occupent de ta truc, et tu te sens vraiment con en disant bonjour, et donc elle te répond en anglais, il fait tu montes ton DVD, enfin je me sens nul à chier quoi. Je me dis putain, alors que juste quelques phrases de base, juste de politesse de commerçante, ça va dire DVD quoi. Ouais, voilà. Ça va dire tous les titres de films en DVD. Voilà, ce serait juste ça. Toi donc Clément, il y a pas un truc que t'aimes si, faire? Le piano et savoir moi aussi, mais ça demande tellement une durée d'apprentissage, je pense que tu prends assez vite du plaisir, mais je manque de temps on en a en plus depuis pas longtemps. C'est pour ça que j'ai envie de pianoter. Le peu de fois où je me suis dit allez, pendant une demi-heure ailleurs que sur le web. Oui, bien sûr. non, mais du coup j'ai commandé 3 partitions et j'essaye de les faire. Mais en fait j'ai envie de faire direct des trucs qui me font kiffer. C'est ça qui est dur. C'est ça. Ouais. T'as pas envie de faire les exercices. T'as envie de faire direct Pirates des Caraïbes par exemple. Ouais. Comme tous les mecs cool, tu veux dire. Ouais, comme tous les mecs stylés, quoi. Moi, non, c'est un de mes regrets, c'est que ma mère, elle donnait des cours de piano et elle voulait m'apprendre et j'ai dit ouais, non, trop nul. Et je regrette amèrement, j'adorerais jouer du piano maintenant. Mais oui, mais c'est pas comme la guitare, t'as pas besoin. Si, tu dois apprendre le solfège et trucs comme ça sur le piano. Bah, ça dépend. Ouais. Enfin, tu peux apprendre des morceaux par cœur et du coup, tu sais jouer ça, ou alors t'apprends le solfège et du coup, tu vois une partition et tu fais ok, je peux le jouer, quoi. D'accord, ok. Moi les instruments, genre la guitare, j'aurais bien aimé savoir faire de la guitare. C'est un truc. Toi Camille, il y a un truc que t'aurais. Moi c'est le drame de ma vie, c'est que je veux tout savoir faire et du coup c'est impossible. Donc ouais, le piano, moi je sais jouer du piano, mais bien. J'ai arrêté à l'âge con où tu dis ah c'est de la merde et tout. Et évidemment je regrette énormément. Donc je sais lire la musique, je sais lire une partition, mais ça me demande des jours pour maîtriser une partition quoi. Ah oui. Et donc j'aimerais bien m'y remettre, j'aimerais bien savoir chanter, j'aimerais bien savoir super bien peindre. Voilà, j'ai plein de trucs que je kiffe et la vie est courte. Ouais, chanter, je suis d'accord avec toi, j'aimerais bien être juste moi. Ah ouais. Il y a un truc pas forcément bien chanter, juste qu'on me dise comment grave. On fait pour que ce soit pas horrible pour les gens. Prends des cours. Mais ça se trouve, pas beaucoup de cours pour maîtriser, ça se trouve. Tu penses? Ouais. Moi j'ai l'impression c'est que c'est. Un sous-art le chant, tu peux. Il y a l'autotune maintenant. Je pense qu'en quelques cours, la meuf te donne des. Ou la meuf. Oui. Le prof te donne des exercices à faire et que tu peux très vite t'améliorer. J'ai l'impression que c'est un muscle. Moi j'ai l'impression que j'ai zéro oreille. C'est-à-dire que j'ai du mal à savoir quand c'est faux. Ou enfin, sauf c'est des gens très mauvais. Ouais. Mais j'ai du mal à me dire c'est déjà arrivé que je vois une vidéo sur Insta de regardez tel chanteur sans l'autotune, c'est quelque chose. Et je fais pour moi ça reste très bien. Ouais. Ouais. Ouais. Faisons un duel d'oreilles absolu là. mais tu vois c'est un truc que moi je préfère. Par exemple, je parle mieux anglais qu'avant. Et là maintenant j'ai envie de prendre des cours pour dire tu sais quoi je vais platiner le, ce talent quoi. Je vais vraiment pour aller bosser aux States. Non mais tu vois, je suis capable d'avoir une l'autre. Non mais je suis capable d'avoir une conversation en anglais et de lire l'anglais, il y a pas de problème, mais j'ai un accent de merde, des fois je me trompe dans la conjugaison, des fois je et là je me... là en ce moment je me dis j'aimerais trop prendre des cours d'anglais parce que je me dis je pars pas de zéro. Donc ça va être un peu sympa à faire. Moi ouais. C'est vraiment tout pour à l'heure coup... je t'ai entendu dire Evil Dead, c'est Evil Dead. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, voilà, c'est... Non, c'est vrai que c'est Evil Dead. Alors que typiquement effectivement j'ai le côté montagne à gravir, si c'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie où je me dis mais là c'est il y a aucun monde où je vais réussir à faire ce truc bien quoi. Toi Adrien, il y a quelque chose comme ça que t'aimerais bien? L'escalade, bah, tu m'avais dit, hein. Ouais, après, oui, oui, mais bon. Non, ouais, le piano, moi, j'ai plusieurs fois, j'ai regardé les cours de piano et tout, je me suis dit, hey, lui, il a l'air bien comme prof et tout. Puis après, j'ai juste pas pris de cours, quoi, mais ouais, non, le piano, le chant aussi, j'avoue que j'aimerais bien. Je chante ok, ouais. Mais je vois que je sais pas du tout contrôler ma voix, quoi. C'est-à-dire que je fais un karaoké, j'ai plus de voix après, ben je force comme un porc. Mais ça c'est parce que tu donnes trop et en général c'est ton problème d'ailleurs. C'est tout ou rien avec moi en fait. Je suis un gars entier. On ouais, appelle ça un gars ça. Entier. Ouais c'est non, ça. Non ouais si il y a sans doute d'autres trucs mais je si en vrai fabriquer des trucs genre ce que font les frères Poulain quoi sur ouais. Leur chaîne, bah, vraiment t'as un objet en tête que t'as envie de fabriquer, tu fais oh bah attends, tu prends une planche de machin et tu mets un truc et tu t'as tous les outils et tout. Ça refaire ça, j'aimerais trop être quelqu'un qui sait bricoler, fabriquer des trucs quoi. Oui, mais moi même juste bricoler pour la vie de tous les jours. Des fois, je suis vraiment genre, ouais. Je suis vraiment un idiot du village. Ouais. Tu sais, les murs, mettre des vis dans des murs porteurs. Ah, Clément aussi. Non, c'est juste qu'on a une rococulture exceptionnelle. Ouais. On a pris des cours de bricolage. Ah génial. Oh, wow. C'est trop bien. À Laura Merlin. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Ah, oui. Ah, ça a changé notre vie. Enfin, ouais. Pas, non mais c'est bah, un des si. Trucs les plus utiles qu'on a fait. Mais grave. Vrai. Putain, mais je vais le faire. Mais j'adore. Ouais. J'ai envie de pleurer. Eh bien, on y va. Fois, on fait. C'est 2 heures qui changent ton autonomie. C'est, juste, c'est 2 heures. Bah, t'as plein de cours différents. Par nous, thématique. On a pris les okay. Bases du bricolage. Okay. Mais nous, on savait rien faire. On savait pas mettre une étagère heures. Sur un mur, tu vois. C'était 3 ouais. Heures. Il y avait accrochage d'étagère, plomberie et basique d'électricité. Mais j'adore. Oh, et électricité, ça me terrifie. Moi. Ouais, mais ils t'apprennent vraiment le basique. Après, tu peux faire. Brancher une prise et la débrancher. Non, mais par contre, le fait de savoir accrocher des trucs dans quel type de mur et tout, maintenant, on le maîtrise parfaitement. Et on n'a plus besoin d'attendre qu'un beau-père qui passe ouais. Là. Non mais en vrai c'est trop bien. Bien ouais. Vous avez plus besoin de mettre un petit seau sous la cuvette des chiottes pendant 2 semaines, le temps que le plombier soit dispo. Ouais, non, bien sûr. Ah non, moi j'adore. Ah, bah, très bonne pub. Okay. Putain, Laurent Merlin des sous, hein, n'hésitez et pas. Je vais le faire. Incroyable. Je vous propose une petite. C'est pas Duolingo qui t'apprendrait à changer tes chiottes. C'est moi qui veux dire. Non mais ça par exemple, s'il y avait l'équivalent Laurent Merlin mais de la bagnole, ça j'aimerais bien aussi. Parce que là moi j'en ai pas eu encore besoin parce que j'ai pas de voiture, mais je me dis, j'aimerais trop être le mec. Il y a un problème avec la bagnole? Pas de soucis, attendez, je fais ça, clac, clac, bim. Ouais. Changer une roue, pneu, truc. Ça, je suis en fait, terrifié que ça m'arrive en fait. Toutes les compétences de base, un peu comme ça, qu'on n'a pas, ça fait partie des trucs que j'aimerais. Tu vois, genre, tu dis la mécanique et tout. Parce que moi, mon but, c'est de vivre en autarcie. Et tu vois, tout ça, ouais, toutes ces compétences-là, jardiner et tout, j'aimerais trop savoir faire tout ça, quoi. Mais par exemple, je parlais à un pote qui, lui, veut passer son permis bateau. Ah bah ça j'en ai vraiment rien à foutre moi. Et bah pas moi justement. Ah ouais toi t'aimerais maîtriser ce truc-là. J'ai même regardé un peu les bateaux et tout. Ah ouais. Non mais moi pour aller genre en fait mon rêve ce serait d'avoir une maison en bord de Seine genre en Normandie et de me dire allez je pars en week-end et j'y vais en bateau quoi. Sur la Seine. Bah t'es James Bond enfoiré. Mais non mais c'est trop bien. Genre t'as pas de taper des embouteillages et tout, tu prends ton bateau, un petit bateau hein. Non mais tu sais que t'as des règles hein, sur les bateaux aussi. Tu peux pas aller où tu veux quoi. C'est pas. Oui bah. T'es assez limité par le. par la rivière, je pense. Non mais t'as ton truc garé à Boulogne sur la Seine et tu prends. Tu vas en Normandie avec ton bateau et voilà quoi. Ça, c'est trop bien. Moi j'adore ça moi. Je t'imagine bien voilà. Là-dedans. Donc je vous propose une petite histoire que j'ai inventée. Il faudra me dire ce qu'il y a de particulier cette petite histoire. Ok. Vas-y. Au détour d'un lieu d'urbex, Jodie Foster tomba sur un match de sessifoot près d'un food truck au Banbao plein d'une amie. Fan de freestyle tel Eminem et de K-drama, elle se mit à bader. Est-ce que c'est les mots qui sont rentrés dans le dictionnaire? Très bonne réponse. Très bonne réponse. Il y a aussi aplaventrisme, asexualité, le concept de syndrome de l'imposteur. Ah ouais. Rentré dans le dictionnaire. C'est trois mots. Oui, mais tu sais, je pense quand tu mets imposteur, tu sais, des fois ils mettent des expressions, Dans quel dictionnaire? Le Larousse. Ok. Larousse 2026, ainsi que Léon Marchand. Et par exemple, le mot gros, maintenant dans les définitions, il y a aussi terme familier pour dire pote, frère, etc. Voilà. Et il y a le mot paddle également aussi. Paddle ou paddle? Le truc de raquette. Paddle. Paddle. Est-ce qu'il y a l'expression y a pas wesh? Alors ça ne m'intéresse pas. Il y a à l'ancienne avec 5 A. À l'ancienne. Il y a boosté. La chanson Apété. Apathy, apathy, apathy, apathy. De Rosé et Bruno Mars a dépassé le milliard d'écoutes. À votre avis, pour quelle raison? Parce que les gens l'écoutent beaucoup. Très bonne réponse. Jolingo, non. Non, ce n'est pas ça. Enfin, oui, si, mais il y a une raison précise pour laquelle cette chanson cartonne. Sur Spotify, fait autant de streams. Sur Spotify, ça veut dire quoi, en fait, bon, en général, quoi. Ça veut dire quoi, ce titre? C'est en quelle langue? C'est de l'anglais. C'est les trois lettres, c'est APT. APT. Bruno Mars et Rosé, Rosé qui est une chanteuse de Blackpink. Okay. Mais ça n'est pas, ce n'est pas ce dont parle la chanson qui fait qu'elle a fait un milliard de vues. Okay. Mais c'est pas la sonorité de c'est, ce c'est truc. C'est un truc un peu algorithmique, il y a un bug, il y a un truc où c'est. Non, mais non. C'est pas parce qu'il y avait une trend avec cette chanson et du coup les gens le. Alors c'est peut-être devenu une trend. D'ailleurs c'est vrai que c'est devenu parce une trend. Parce que j'ai vu des super vidéos avec cette moi chanson. Aussi. Hein. Des petits chefs-d'œuvre. Ouais, c'est top. Ta rococulture là, je crois, de fin d'épisode. C'est ça. Mais alors peut-être que c'est ce qui fait que ça a pris, mais il y a un phénomène qui a eu lieu autour de cette chanson qui fait qu'elle était partout à un moment. Voilà. Après, c'est pas impossible phénomène. Que des influenceurs l'aient repris ou des choses comme ça. Mais. Ok. Mais est-ce que du coup c'est lié à la K-pop? Non. C'est propre à un pays ou c'est du coup c'est mondial? C'est mondial, ça qui est fou. Mondial. C'est mondial. Mais c'est pas forcément un phénomène d'internet. Non. Du coup. Non. C'est genre. Mais alors... Internet l'a propagé parce que tout le monde a dit mais putain. C'est parce qu'elle moi est aussi. Facile à chanter par tous les enfants. Les cours d'école, chorales, les alors, chorales d'école. Qui est presque. C'est parce qu'elle est très facile à chanter pour les enfants. Dans toutes les langues. Pour les bébés. Ah. En fait, les bébés adorent cette chanson. Cette chanson rend fou les bébés. Ah, oui, c'est l'équivalent d'un Baby Shark à l'époque. Ouais, ah. Voilà. C'est que la chanson APT interprétée par Bruno Mars. De Somanes pour ta fille. Ouais, ma fille était fan de Somanes, de Sosomanes. Elle l'a chantée tout le temps. Mais là, par exemple, APT, elle l'adore. Ah, ouais. J'ai découvert cette chanson via ma fille. Par la cour d'école. Ah, ok. Et elle je peux comprendre. Et elle l'a chantée au McDo. Et au McDo, il y avait un petit garçon qui s'est mis à la chanter. Et le père m'a dit, mais mon fils, il l'écoute en boucle, cette chanson, etc. En gros, la chanson APT vient de dépasser le milliard d'écoutes. Elle fait notamment un carton chez les tout-petits en raison de leur facilité à reproduire les syllabes de la chanson. Mmh. Les réseaux sociaux regorgent de vidéos dans lesquelles des jeunes enfants babillent en rythme le refrain coréen de la chanson APT. T'aimes bien le mot babille? Non, le verbe babiller pour moi. Le babillage est une étape cruciale dans le développement du langage. À partir de 9 mois, il permet au bébé de s'entraîner à produire ces phonèmes, soit le positionnement de la langue pour prononcer les premières syllabes. Mmh. Pour Pascal Zeisger, professeur de psycholinguistique à l'Université de Genève, la chanson est facilement adoptée pour les bébés car les premiers sons maîtrisés sont les voyelles. Parmi les syllabes simples, les consonants les plus précoces à apparaître utilisent des sons comme pétequeux ou bedegeux. Sur le contrôle du moteur, ils sont plus faciles à réaliser. Voilà. Et bon. Donc, du coup, apté, apté, les enfants, ils adorent. Ouais, ouais, ouais, tout simplement. Et comme quoi ça tient à rien. C'est vrai. Vous vous souvenez vous de chansons que vos parents écoutaient beaucoup et donc pour vous c'est des chansons qui sont liées à l'enfance? Waouh. Par exemple, je sais pas, genre Sardou. Ouais, j'allais dire le temps des colonies. Non, elle écoutait beaucoup Sardou, Delpech, ce genre de trucs. Très chanson française, ouais. Ouais, très chanson française. Très chanson française. Mirza. Ah oui, Quel enfer. Cactus aussi. Là. Ah, les cactus. Ouais, ça, moi j'aime bien. Moi, attention, Dutronc, j'adore. Ah, moi aussi, c'est livré, vraiment lié à mon enfance. Ouais. Truc qu'on écoutait dans la voiture. Non, je veux dire, ça a bien vieilli, Dutronc. C'est sûr que ça s'écoute encore pas mal. Moi, il y a des morceaux que ma mère jouait au piano. Et du coup, quand je les entends, c'est tout de suite, je me revois gamin dans le salon. C'est de la musique classique ou pas du tout? Oui. Bah, ça reste de la musique, Florent. Non, c'est ma question. Non, mais je me demandais si elle reprenait des chansons pop. Pas mal de Sardou, ouais. Le temps béni des colonies, on était obligés de venir tous dans le salon pour l'écouter. Non, oui, des morceaux de musique classique, mais vraiment, quand je l'entends maintenant, c'est vraiment, je me revois gosse dans le salon en train d'écouter ma mère le jouer. Quoi. Incroyable. Très, très lié à l'enfance. Camille? Ouais, pareil que Clément, Michel Thor, Sylvie Vartan, la vieille chanteuse, et les années 60. Les yéyés, ce genre de trucs, quoi. Vos parents étaient fans de chanteurs et de chanteuses aussi? Vous les avez vus adeptes? Mon père est fan de Véronique Sanson. Ah oui. Et je kiffe aussi. Mais oui, mais elle plaît beaucoup, Véronique Sanson. Mmh. Moi j'étais même Sylvie Vartan, je redécouvre qu'il y a un film qui est sorti. Voilà. Et le nombre de fans de Sylvie Vartan, c'est énorme en fait. Je sous-estimais. Elle a fait le buzz, ouais. Elle a fait un bon buzz à une époque. Une étude réalisée en Afrique de l'Ouest a constaté que les chimpanzés et les humains partageaient une habitude. À votre avis, laquelle? Ils font la même chose. Alors, ce n'est peut-être, mais c'est peut-être pas la découverte qu'il y a eu récemment. Une habitude, quelque chose de vraiment pratique, genre social, ouais. social. Ouais. Ah, là, je l'ai. Ah bah dis-le, dis-le. C'est l'apéro. Exactement. Ah ouais. Ouais. Ils hurlent même apéro. Ouais, comme comme ouais. Des singes qui prennent l'apéro. Cette étrange scène filmée à plusieurs reprises ces derniers mois dans le parc national de Cantanèse en Guinée-Bissau. Des chercheurs y ont en effet immortalisé un groupe de chimpanzés partageant régulièrement des fruits fermentés contenant donc de l'alcool. Chez les humains, nous avons que boire de l'alcool libère de la dopamine. Attention, Adrien fait non de la tête. Tu m'as vu dans ta vision périphérique. Chez les humains, nous savons que boire de l'alcool libère de la dopamine et des endorphines, ce qui provoque un sentiment de bonheur et de détente. Nous avons aussi que partager de l'alcool, notamment à travers des traditions collaboratives, aide à former et renforcer des liens sociaux. Et en fait, ce qui fait penser aux scientifiques que les singes font ça, c'est que les singes ne partagent pas leur nourriture. Donc de les voir partager un truc avec de l'alcool, se dit tiens, est-ce qu'il n'y a pas un truc social? Ouais. Après, on est sur une théorie quand même, j'ai l'impression. C'est là. Une théorie. Oui, okay. Il n'y a aucune preuve concrète, okay. Mais c'est une théorie. La question qui se pose pour les chercheurs est la suivante. Tu vois la question qui se pose. Les chimpanzés tirent-ils c'est comme la théorie de l'évolution, quoi. Ça n'est qu'une théorie. Tirent-ils des bénéfices similaires de ces moments de partage autour de fruits fermentés? Ces primates ne partageant pas leur repas, il y a fort à parier que ce comportement déjà observé en 2015 remplit en effet un rôle physiologique ou social. Voilà. Okay. Après, attention, d'autres chercheurs, comme Debunk, à ta manière, puisqu'ils disent que le taux d'alcool dans les fruits reste très faible. Donc, de là à se dire que l'alcool permet de. Voilà, c'est pas. Ils vont pas nous détrôner sur l'apéro. Ah, hein. Ça. Eh, c'est pas un singe qui va boire du pastis. La seule race, c'est celle qu'on se met le lendemain soir. T'as complètement raison. J'ai croisé un gars qui avait un t-shirt j'aime le vélo et l'apéro. C'est fou que des gens y aient encore. Et c'était un mec pas vieux, hein, un mec de la trentaine, mais j'aime le vélo et l'apéro, quoi. Est-ce que vous aimez recevoir chez vous? Comment on passe une bonne soirée avec Clément? Comment on passe une bonne soirée avec Camille? Moi j'aime recevoir que quand c'est je fais une raclette, quoi. Je veux pas cuisiner, ça ouais. Me casse les couilles. Ah oui oui. C'est vrai que c'est très vite chiant. La montagne de vaisselle quand les gens partent est un truc qui peut me déprimer au plus haut point. Ouais. Donc tu préfères recevoir ou tu préfères aller en resto ou aller en café, en terrasse? Ah bah maintenant que j'ai un bébé, je préfère recevoir, comme oui. Ça on est tranquille. Ouais. On paye pas la nounou. Ouais, voilà, c'est une belle économie de fête. Et surtout, t'as pas retourné chez toi quand t'es chez toi, ouais. Donc c'est vrai que ça, c'est vrai. Moi, c'est mon on a vrai bonheur à recevoir aussi. Ouais. Moi, je déteste sortir de chez moi. Mais la soirée ne se termine pas quand tu veux, quoi. Oh, que si. Oh. Ah, tu dis aux gens, barrez-vous, quoi. Non, non, mais bon, non. Tu commences à faire la vaisselle, classique. Tu relances pas quand on te donne une question. Tu vas te coucher. Bon, voilà. Les gens ont compris. Il y a la célèbre phrase. Petite tisane. Ouais, quand tu commences à proposer la tisane, les gens je dis, sentent. Est-ce que vous voulez prendre un dernier verre? Ouais. Mais moi, oui, mais moi, là, tous les trucs que vous citez, c'est des trucs pour moi qui ne veulent pas dire. Pour moi, c'est fini, quoi. Genre, par exemple, quand je reçois des gens, moi, j'ai pas de lave-vaisselle, donc la vaisselle, ça peut être beaucoup. Et du coup, je dis, je fais la vaisselle, mais ça veut pas dire que. Mais donc, c'est juste, je prends de l'avance. Oui, quoi, mais si tu précises pas, ça veut pas dire que. Ouais, les gens peuvent éventuellement comprendre qu'il est temps. Et du coup, moi, je n'ai pas d'armes, c'est ça que je veux dire. Moi, je ramène les blousons aux gens. Votre blouson, je me mets en pyjama. Non, mais tu commences à dire, oh putain, demain, on se lève tôt, on est crevé en mais ce moment. Oui, ouais, mais. Normalement. Non, mais si tu mets. Il y a des gens qui. Ignorent plus ou moins consciemment ces signaux-là, quoi. Moi, je pense. Des relous, quoi. Tu reçois pas des gens chez toi, mais je pense que t'as un body language qui compréhensible, Adrien, je pense. Non, mais c'est pas un jeu. Bras croisés, tu fronces les sourcils. Ouais. Non, mais je pense qu'on se sent, toi. Bon, on va y aller, on va y aller. Je m'ennuie. Une étude a révélé que ce que les Français mettent le plus dans leur CV, à votre avis, quels sont les 5 trucs que mettent le plus les Français dans leur CV? Les compétences, les hobbies. Non, mais justement, les compétences qui mettent le plus Excel. En avant. Non. Non, c'est moins précis que ça. Hein. C'est qu'est-ce qu'ils savent faire? L'anglais. Non. Si. C'est pas dans le top 5. Ah, remarque, c'est pas compétences. On parle de compétences de... Ouais, de compétences. Attends. Non, mais c'est pas des trucs précis, genre je maîtrise tel logiciel. Maîtrise des réseaux sociaux. Non. Ok. Ça, c'est pas des trucs précis. Un truc du web? Non. Non, mais par exemple, il y a le sens de l'organisation. Ah. Je possède des qualités. Ouais, des qualités. Travail d'équipe. Alors l'esprit d'équipe est numéro 1. Bien joué. Ah non, mais on parle de ce genre de truc absolument pas vérifiable. Ok, bah, d'accord. Oui, ponctualité n'en fait pas partie. La rigueur organisation. Non, ça n'est peut-être non, ça n'en fait un truc du genre. Ah si, pardon, sens de l'organisation, cinquième. Le sens de l'organisation. J'ai le premier, j'ai le cinquième. Tu l'as dit, sens de l'organisation. C'est vrai que je l'ai dit. T'écoutes personne, Clément. Désolé d'écouter ce que vous dit l'host. Y a pas un truc genre ne compte pas ses heures ou un truc de merde comme ça? Abnégation. Ouais. Il y a le dévouement. Donc il y a un peu. Ils mettent ça, dévouement. Dévouement. Dévouement, mais alors. Oh l'enfer. Je suis dévoué. Ouais. Je suis dévoué à vous. La soumission. Je crois que je l'ai jamais dit, même bien à lécher à les couilles du patron, là. Je soulève la teub quand je lèche les couilles de mon patron, non, mais c'est bon, quoi. Vous avez pas eu le geste à la maison, mais il l'a vraiment soulevé comme un petit Kleenex. C'est horrible. Voilà, c'est vrai. Du bout des doigts. Il a... Pour moi, il est pas en érection, c'est pour ça. Non, bien sûr. Parce que ça n'a rien de sexuel, je précise. C'est tu l'as attrapé dévotion. Comme le col d'une souris dans un dessin animé. Tu vois, un petit peu quand Tom attrape Jerry. Oui, voilà. Absolument. Donc, oui, sans agression, motivation, dénouement, esprit d'équipe, il en manque deux. Perfectionniste? Non. Ça, c'est les défauts, ça. Ouais. Il en manque deux. Ouais. Bonne humeur, un truc comme ça. Non, un truc. Mais ça, je peux ne pas engager la personne, moi. Ouais. Moi, ma qualité, je suis de bonne humeur. Allez, ça dégage. Arrête. Arrête. Gentil. Bienveillant. Je suis un vrai gentil. Bienveillant. Oh là là. Je ne m'entoure que de vrais gentils. Je vais vous les donner. Hein, attends. Parler, communiquer. Oh là là, très bon, le sens de la communication. Ah là là. Et le dernier. Le dernier, il est énervant ou pas? Par les 4 premières. Les 5 sont énervants, ouais, selon moi, mais oui. Okay. Le dernier, c'est le numéro 2 en plus. Ok. Et je comprends pas trop. Enfin, si, je comprends ce que ça veut dire, mais je suis genre, oui, bon, bah oui. Comme tout le monde, quoi, un peu. Un peu. Oui. En tout cas, je trouve pas que tuer les gens. Savoir parler. Non, mais c'est un peu ce truc où tu dis dans un métier, j'ose espérer que t'as ça. Oui, effectivement. Compréhension. Non. Vivant. Ah, respect des consignes, un truc comme ça. Non. Appliquer. Motivé. Non, motivé, on l'a déjà mis. Pardon. Non, t'inquiète. Ça commence par un A. Abnégation. Non. Attention. Non. J'écoute ce qu'on me dit. Non, mais c'est presque aussi. Je vais vous le donner. Autonome. Ah oui, bien sûr. Bah tu vois, tu dis oui, bah encore heureux que t'es. Oui oui. Moi j'ai mais besoin qu'on disent... me tienne la main. Ouais, mais tu vois, ils disent j'ai l'esprit d'équipe, mais je suis autonome aussi. Oui, c'est ça. Je peux jouer sur tous les plans, sur tous les tableaux. Tu me lâches, je peux tout faire tout seul. Et s'il y a une équipe, ok, je gère aussi quoi. C'était quoi vos tout premiers boulots, Camille? J'en ai eu énormément. Tu veux vraiment le tout premier? C'est ça qui est intéressant. Pas forcément. Ce on voit d'étudiants ou ce t'as envie de dire. Au moment du 11 septembre, on veut. Mon tout premier boulot. J'ai été beaucoup ouvreuse, mais j'en ai fait des tas, moi, ouvreuse des boulots. De théâtre. Ouais. Okay. De théâtre de ma ville. Mais j'étais vendeuse. J'ai fait des enquêtes téléphoniques. Ah ouais. J'ai écrit. Ah, j'ai eu mon premier boulot d'auteur. Quand je voulais pas être auteur, j'ai écrit des faux témoignages pour des magazines. Oh, les magazines à 1,90€. Ah oui, genre. C'est ma vie. Ouais. Ah ouais, ça me fascine. Mais... Non, mais bien sûr, je vois très bien. Ouais. C'était les sous-nouveaux détectives un peu. Ouais, c'est ouais, l'effet ouais. Des faux témoignages ouais. De. Ouais. J'ai retrouvé mon père en train de coucher avec ma femme ou les trucs comme ça. Oui, je suis grand-mère à 24 ans. Ah c'est oui, là, voilà, écrit, bien sûr, je vois très bien. Ah ok, ah, ça vaut que c'est drôle. Attendez. Donc ça, c'est faux. C'est des faux. C'est putain. Tu sais que j'ai vu un magazine là dans à la gare qui est en gros une parodie qui s'appelle Closer, qui est en gros une parodie de Closer mais qui est le même logo, juste il y a deux O et ils sont ouais. Très rapprochés, mais en fait c'est pas vraiment une parodie, c'est juste des fausses nouvelles. Ouf. Et non, mais ils disent que c'est parodique sauf que ça l'est pas du tout quoi, c'est juste des faux trucs. Et donc t'as Jean Dujardin sort avec Marion Cotillard avec une fausse photo des deux. Mais c'est même pas drôle en plus. Ouais. Et c'est pas drôle. C'est pour ça que oui, je dis que c'est pas une parodie. Drôle, et bon. Donc en gros, il y a un truc où tu dis, mais c'est pas une parodie, c'est juste vous espérez vendre à des gens un peu bébêtes oui. Des magazines quoi. J'ai trouvé ça horrible. Oh là là, l'enfer. Ouais, horrible. Mais ça devrait être interdit, enfin, c'est de la diffamation. Bah, en fait, comme ils disent parodie. En fait, sur le truc, il y a un petit smiley qui rigole en bas avec écrit c'est une parodie. Donc ouais. En fait, j'imagine que c'est comme ça qu'ils s'en sortent. Mais c'est l'équivalent de non mais c'est un personnage. Ouais. On hésitait à pas le mettre au début en conf de rédac. Non, mais donc voilà. Donc ça c'est un vrai truc. Ah là là. Et ouvreuse, du coup, qu'est-ce que tu penses des gens quand tu vas au théâtre, il faut penser à avoir des pièces sur soi? Ah non, mais moi j'étais une ouvreuse, j'avais un contrat de travail. Ok, d'accord. Et d'ailleurs c'est marrant, quand j'ai perdu staff, j'ai voulu continuer à être ouvreuse. Du coup j'ai cherché dans Paris et donc au Grand Rex, ouais. On m'a engagée, mais c'est une société qui gère. Et là il fallait quémander le pourboire à chaque fois. Et parce qu'on partageait tout avec toutes les autres ouvreuses à la fin. Et les gens, ils avaient payé, je sais plus, c'était un concert, ils avaient payé genre 60 balles la place. Et on a certains, c'était des strapontins de merde. Et j'avais trop honte de leur. Ils étaient trop déçus de s'asseoir sur une chaise aussi merdique. Et, plus, et je me voyais pas leur dire je vous rappelle que. Et du coup, je l'ai pas fait. Et après, j'ai ramené presque rien et ils m'ont jamais rappelé. Est-ce que du coup, genre, tu ramènes rien, est-ce qu'il y a pas un petit soupçon de. Tourne en garde dans ta poche. J'avais quoi. Jamais pensé à ça. Peut-être parce que si. Dit que t'as jamais rebossé derrière. Ce que je ferais, moi. Ce que je ferais, quoi. Non. Mais au rond-point, il y avait. Enfin, au théâtre du rond-point, quand j'y étais allé à l'époque, il y avait une affiche qui mettait ne donnez pas. Enfin, je trouvais ça trop bizarre, quoi. Ne donnez pas de sous aux ouvreuses. Non, mais parce qu'il y avait écrit elles sont rémunérées, mais je trouvais ça trop bizarre de l'écrire, quoi. Ouais. Tu vois, je pense que oui, si t'as envie de lui donner un pourboire de lui, quoi. Et puis à la limite, l'ouvreuse est libre de dire bah non, je suis payé. Enfin, tu vois, je trouve ça trop bizarre qu'il écrive attention, vous ne donnez pas un centime mais aux ouvreuses. Je pense que c'est eux pour se vanter de les payer correctement, j'imagine, plus que pour éviter les jalousies. Peut-être. Tu peux avoir un coup de bol, hein. C'est... Ils ont des costumes de merde, les ouvreuses, dans ce théâtre. C'est un espèce de pantalon flare horrible là, de lanceur de bolas. Oui, bien sûr. Mais qui était une jolie salle. J'étais allé voir Que ma joie demeure d'Alexandre Astier là-bas. Moi je suis un Camelot. C'est qui fait la musique? Je crois qu'il a l'oreille absolue, mais je suis pas certain. Clément, un des premiers boulots? Premier boulot de merde que j'ai fait, c'est je nettoyais des halls d'immeubles pendant l'été, je remplaçais les gardiens. J'étais très mauvais à ça. Et les gens qui se plaignaient parce que c'était sale. J'y retournais le lendemain à 4h du mat, je passais l'aspi en tapant dans les portes, je peux te dire qu'après ils se plaignaient plus. Et je mettais du sang bon. Du sang bon. Et mon vrai. Ça marchait. Et mon vrai premier travail, c'est je travaillais chez Metropolitan Film au marketing. Voilà, pas mal. Ouais, c'était trop sympa, cool. Sympa. Oh, mec. J'ai fait 2 ans de stage dans le ciné et après j'étais au service marketing, je gérais les jaquettes de DVD. J'ai peut-être des petites jaquettes de DVD chez moi, de toi. T'as des idées de films? J'étais pas sur des très bons films. Non, mon plus beau DVD c'était Dread, le film Dread avec Karl Urban. Je l'ai. C'est vrai? Je l'ai. T'as un coffret collector en métal ou pas? Non, j'ai pas sur métal. T'as pas le coffret non, métal? Non, j'ai le DVD, j'ai juste le DVD. Mais j'ai Dread, bien sûr, évidemment, de Alex Garland. Exactement. Co-écrit par exemple, bien sûr. Exactement, avec Lena Headey. Incroyable. Voilà, donc j'avais bossé sur cette sortie. Sublime. Toi, Adrien, petit boulot que t'as fait au tout début? Moi, un des premiers dont je me souviens, c'est quand que je venais de mourir. Quand même. C'était un petit boulot d'été et genre je gérais une salle informatique. Mais j'étais vraiment jeune dans mon souvenir. Je gérais une salle informatique dans une ambassade ou un truc comme ça, quoi. Putain. Et donc il y avait un peu des notables de tous les. Oui. Il fallait parler anglais, quoi. Et donc c'était tous les. Et c'était genre, je parle à nouveau de tard l'époque. Oui. Il n'y avait pas de smartphone et tout. Donc si tu voulais envoyer un mail, il fallait un ordi. Et du coup, les mecs, les ambassadeurs, les trucs comme ça. Une ambassade, mais d'ambassade de quoi? Je sais même plus si c'était une ambassade, j'en sais rien. RDA, je sais plus. Mais je ne sais pas, ouais, c'est ça. Non, et du coup, quand ils voulaient envoyer un mail, il fallait qu'ils aillent dans la salle informatique et qu'ils aillent sur leur ordi, enfin, sur un ordi, envoyer un mail et tout. Et du coup, moi, j'étais là toute la journée dans la salle. Et très vite, je me suis rendu compte qu'en gros, il y avait peut-être 2 gars dans la journée qui venaient, quoi. Donc du coup, le deuxième jour, je me suis amené une manette et je jouais sur les ordi. Déjà un pur gamer. Il y avait des mecs qui venaient et je parlais anglais et je leur disais, bah voilà, là, envoyez un mail. Non, mais voilà, donc c'est quand même un métier déjà un peu, oui, pas mal. Ouais, ouais. En vrai, c'était que dalle, quoi. Mais c'était le premier. Après, j'ai été animateur de centre de loisirs pendant 4 ans, un truc comme ça. Où t'as fait le gros de ta carrière. Où j'ai côtoyé Matteo Guendouzi, je le rappelle à nouveau. Tu vas me le rappeler. 6 ans. J'ai une dernière question, ensuite on passera aux recommandations culturelles. KFC va commercialiser un produit qui sort de ce qu'il propose d'habitude, donc ce n'est pas. Du dinosaure? De la nourriture. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Le truc végé? Non, c'est pas de la bouffe. Justement, ça sort de ce qu'ils font d'habitude. Ah oui, c'est avec le truc. Non, je crois qu'ils font des burgers. Ils font tout ça maintenant, des burgers VG. Il faut des baskets. Même McDo fait ça. Alors, pas des baskets, ce n'est pas des fringues. C'est pas des fringues, ok. C'est vrai que c'est un peu la marque, la mode de tous là. Depuis Lidl, tous ils font leurs baskets. Ah ouais? Ouais. Genre qui? Lidl. Mais McDo, ils avaient fait des chaussettes. Oui, c'est ça, t'as toujours un peu des trucs comme non, ça. Non, mais c'était pas un piège. Moi, mais c'est quoi, c'est en cadeau dans le menu? Non, tu peux aller l'acheter. KFC, tu peux l'acheter. Alors, pas en France, hein. C'est de la tech. C'est un peu de la tech. C'est pas de la tech. C'est un objet utile. Ah oui. Ah. Ah oui. Un flingue. C'est pas un objet, c'est vraiment. Enfin, si, c'est un objet, mais c'est pas un flingue. Un flingue, ouais. Un flingue KFC. Non, non, c'est un. C'est un. C'est un. Oui, c'est un objet, mais c'est un vrai produit, quoi. C'est un truc que tu utilises tous les jours. Des clés. Non. Des clés de chez toi. Ils arrivent et tu... Des lunettes. Non, pas des lunettes. J'aime bien que t'aies une petite chaussure. Des bagnoles. Est-ce que, c'est un truc de... Est-ce que c'est un truc de sport, genre un ballon ou une batte de baseball ou un. Non. Un sac. Non, pas un sac. Chien. Un agenda. En peau de poulet. Un chien. Un tote bag. Pas un tote bag. Un chien. Non, c'est pratique, tu dis. Oui. On s'en sert tous les jours. Tous les jours. Genre, en tout cas, j'espère pour vous. Une brosse à dents. Bah non, mais. Une brosse à cheveux. Non. Du shampoing, du savon. Du gel douche. Ouais. Non, vous étiez plus proche avec la brosse à dents. Des dents. Une brosse à chiottes. Des non. dents. Non. Ah, du dentifrice. Du dentifrice KFC. Au poulet. Eh oui. Oui. Ah oui. Oui, Clément. Ah, putain, bah oui, okay. Sinon pourquoi ce serait du dentifrice KFC? Mais ça, c'est les vraiment. Pardon, hein, c'est les dentifrices pour chiens, c'est vraiment goût poulet, quoi. Donc là, ils le font pour les humains, quoi. C'est l'histoire d'un poisson d'avril qui n'en devient plus un. Hein. Oh, et oui, celui du KFC qui propose. En fait, ils ont fait un truc genre poisson d'avril, on fait du dentifrice, et en fait, les gens apparemment étaient tellement contents, avaient envie de le tester, qu'ils se sont dit, tu sais quoi, on le commercialise un peu. T'imagines, tu fais un date avec un gars, ça se passe bien et tout, il fait, tu veux venir chez moi, tu fais, ouais, ok et tout. Tu dis, je vais juste me laver les mains vite fait, et tu vas dans la salle de bain, et il a du dentifrice au poulet. Ouais, serait horrible. Je suis sûr en plus que. Moi, il y a une canette de Pepsi sur ma table de nuit, mais ouais, je vois ce non, que non, tu non, veux mais dire. Il a du dentifrice KFC, quoi. Tu fais, je pense qu'ils ont coupé l'herbe sous les pieds de Squeezie qui était sur le boss. Il a un kombucha au bœuf. Ouais, voilà. Le dentifrice, est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. Donc, oui, KFC propose de ne plus seulement mordre dans ses tenders de poulet croustillant, mais de savourer leur goût au moment de se brosser les dents, d'en avoir l'haleine. L'entreprise du Kentucky s'est associée à la marque High Smile, spécialisé dans les produits dentaires pour développer un dentifrice proposant la même recette que la fameuse mixture à base de 11 herbes et épices qui nourrit les recettes de KFC. Et je vous propose un petit jeu. Oh oui. Je vous donne des marques et vous me dites le truc chelou qui n'a rien à voir avec ce qu'ils font, qu'ils ont commercialisé. Par exemple, Lidl, des chaussures. Voilà. Très bien. Attention, Pizza Hut. Des chaussures. Des chapeaux. Pas des chapeaux, c'est pas des fringues. Des ciseaux. Non. Des blazers. Non, des. Non. Ah non, c'est pas des fringues, pardon. Non, t'inquiète. Tu m'écoutes plus. Des trottinettes. Trottinettes. Non, pas des trottinettes. Des frisbees. Pas des frisbees. Des chiens. Non, pardon. Utile, c'est utile. C'est pareil, c'est au quotidien, ça peut être dans la salle de bain. Bah, du gel douche. Pas du gel douche. Ouais. Est-ce que c'est des un serviettes. Truc non. Est-ce que c'est un truc genre goût, odeur, pizza ah, oui, aussi oui. Souvent, il y a un lien avec le truc. Ah, souvent, okay. Du déo. Du parfum. De l'eau de parfum. Oh. Eau de parfum. Dégueulasse. Pizza. Oh là là, mais. Après, ça donne envie de. Ouais. Bah, de tester quand même. De sentir quand même. Non, moi, mais d'avoir un gars qui a le dentifrice KFC, le parfum Pizza Hut, le déo McDo. Bah, c'est du transhumanisme là, c'est du robot. Oreo. Du coca. Alors, bon, pour le coup, j'ai, ouais, goûté, j'ai ouais. goûté en Espagne du coca goût Oreo et c'était pas si mal. C'est Pepsi qui sont complètement fous aussi. Je crois que Pepsi, ils ont tout testé. Oui, ils sont fous. Ils sont... Non, c'est Afflelou. Je comprends qu'Afflelou. Ils ont fait du coca. Ouais, du coca goût Pepsi, en fait. Non, non, mais ils avaient fait des trucs genre à la mayonnaise et est-ce tout. Est-ce que c'est dans la salle de bain? Ce n'est. Attends, mais on l'avait pas dit dans le. Je crois qu'on l'avait dit dans un floodcast. Ah ouais? Le truc de l'Oreo. Ah, c'est possible. Il est vraiment temps que vous arrêtiez. Hein. Ouais, tourner en rond. Oh, bah, de toute façon, sur les anecdotes, c'est terrible. Hein. Des fois, je réécoute et vraiment, je fais, mais oui, on l'a dit 5 fois. Ouais. Alors, tu peux le trouver dans la salle de bain, mais souvent, tu l'as sur toi. Voilà, tu le gardes sur toi. Pas tout le monde, un des gens. Un stick à lèvres. Très bonne réponse de Camille. Oh. Le baume à lèvres ouais, Oreo. Je crois qu'on l'avait pas dit. Immonde. C'est sucré, donc ça va. Ah, mais ça vous va, ça? Genre, ouais. Ah, moi, c'est du même niveau pour moi que le dentifrice. Non, non, ah, non, non. Pas te laisser... non, mais un baume à lèvres Oreo, c'est-à-dire que quand tu smacks. Mais des fois, t'as un petit goût un peu de miel, un peu sucré. Enfin, ouais. C'est moins choquant ouais. qu'un. Non, mais de la viande. Mais ouais, mais toi, t'es. Mais moi, je suis t'es un viandard, toi. Moi, mais toi, t'es un viandard. Toi, j'adore l'été. Dentifrice au poulet. Moi, j'ai dit vivement l'été. Parce que c'est la saison du barbecue, comme ouais. je dis souvent. Ah, ouais, ouais. Mais toi, tu postes souvent des photos de côtes de porc et tout sur Twitter. Ton faux compte, pardon. Non, c'est là, ton faux compte. Non, mais là, c'est vrai qu'en juin, je vais tweeter. Je déclare officiellement ouverte la saison du barbecue. C'est un truc que je fais. Et l'hiver? Avec la raclette. Ah bah oui. Ça, non, je c'est sais vrai que je oh, moi c'est pas que l'hiver. Hein. C'est ouais. Tu sais quoi, je vais le faire en direct. Allez, voilà. Il a la surface de bouc. Non mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés parce que j'avais dit que j'étais vegan et que tu m'avais posté. Jeté. Tu m'avais posté d'ailleurs, répondu avec des photos de barbuck et dit ah ouais ça c'est quand même pas mal non. Et après bon voilà on était devenus amis. Non mais moi c'est pas ça. Moi ça m'avait énervé que vous appeliez un steak de soja un steak. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'un steak c'est de la viande. Ouais. Adrien. Tout ça est un sketch, hein, je le dis aux gens. Bien sûr. S'il y a des gens qui découvrent le Floodcast parce qu'ils ont vu un article dans Libération. Non, c'est un personnage. PlayStation. Moi, j'ai. Oui, j'allais dire une casquette, mais c'est juste du merch. Bah oui, ça c'est. Ouais. J'ai un survêtement aussi. Des petites voitures. Un jogging. Non, pas des petites voitures. Des robots. C'est de la bouffe. Des boissons énergisantes. Non, mais c'est vrai que ça leur irait. Peut-être qu'ils en ont fait, ceci dit, mais c'est pas ce qu'on cherche, pardon. C'est de la bouffe, des ramen. Alors on se rapproche parce que c'est pas de la bouffe, mais tu... Bah, t'as dit que c'était de la bouffe. Non, c'est de la bouffe, mais ça agrémente de la bouffe. Donc c'est une sauce piquante. Ouais, c'est ça. C'est la sauce soja. Okay. Ah. La sauce soja PlayStation. Et pourquoi pas. Commence à te choper. Friskies, la marque de bouffe pour animaux. Des Perfecto. pour chat. Ouais. Bah non, c'est trop lié ça. Ouais. Alors là pour le coup c'est alors c'est pas lié. C'est un peu lié. C'est un peu c'est lié aux animaux de compagnie mais c'est vraiment ça n'a rien à voir avec la bouffe. Ils se sont fait un kiff quoi. Ouais, c'est ça. De la litière. Non. Est-ce que ça sert à l'animal ou pas du tout ou ça peut l'amuser, ça peut l'amuser. Ah, des lasers. Non. Des balles rebondissantes. Des, des frisbees. Non. Friskies, frisbees. Oh. Ouais. Gifle-moi. Ah. J'ai aucune idée. C'est un jouet pour animaux. C'est un, pas un jouet. Pour humains. Pas un jouet. C'est un jeu. C'est un jeu de société. Non. Un Monopoly. Non, pas un jeu de société. C'est un jeu. C'est un jeu vidéo. Un jeu vidéo sur tablette. Oh, wow. Eh oui, bah oui. Friskies. Bah oui, les chats, tu sais, ils peuvent chasser les souris. Ah, les... c'est un jeu pour chat. C'est un jeu pour chat sur pas tablette. Mal, pas mal en ça vrai. Ça marche c'est bien cool. Ça marche très bien. Ça m'avait amusé à une époque. Ça t'avait amusé. Ouais, j'adore ça. 60€ sur Steam, franchement, je recommande. J'ai pas de chat, moi, c'est juste, ça me fait marrer. KFC encore, hors dentifrice. D'une boisson ? Non. Ça s'ingère ? Ça se met sur le corps. De la crème solaire. Ça se crème fume solaire. Dans une pipe à crack. Wow. De la crème solaire. La crème solaire. Mais pas aromatisée au poulet quand même. Si, bien sûr. Et franchement, c'est de la panure. C'est ça. C'était ça, c'était pour être doré comme un bon poulet là. C'est quand alors la crème solaire, le principe c'est de ne pas bronzer. Oui, non, mais c'est pour te protéger. Pour bronzer. Si, c'est oui, c'était comme ça qu'ils le vendaient. Pour avoir des couleurs. Ça, t'as des couleurs, ça te protège. Tu vois, t'es pas cramé quoi. Oui, oui, bon, c'est des idiots. Gros idiots. Et effectivement, je l'avais noté en blague, mais tu l'as fait avant moi. Squeezie. Ouais. Voilà, du kombucha, évidemment. Chers amis, ça fait déjà 1h30 qu'on parle. Oh là là, j'ai envie de faire la recommandation culturelle tout de suite. Adrien, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as aimé culturellement parlant, que ce soit, peu importe, cinéma, télévision, théâtre, bouquin. Explique-moi le concept. Je l'explique aux gens qui peut-être viennent s'en de débarquer. S'en foutent les gens. Ils vont entendre les trucs. Ah ouais ? Ils vont dire ça n'était pas dans les trucs que j'avais imaginé au préalable de ce qu'ils allaient peut-être dire. Et vous savez quoi ? C'est à cause de vous que j'arrête. En gros, c'est une série animée qui s'appelle Common Side Effects. Et alors série animée, c'est vraiment pour adultes. Ok. Et ça s'appelle Common Side Effects. Je crois que c'est une série HBO Max, mais du coup c'est sur Canal. C'est ça, c'est sur Max et Canal. Et donc l'histoire, c'est un mec qui est mycologue, donc spécialiste des champignons. Ok. Et en gros, et c'est un gars un peu hippie, un peu voilà le hippie californien comme à moderne comme on l'imagine quoi. Bien sûr. Et il s'avère que en faisant des recherches en Amérique du Sud et tout, il découvre un champignon qui a la capacité de guérir tout en fait. C'est-à-dire que tu manges, genre tu te prends une balle dans le corps, tu le manges. C'est Indiana Jones, c'est la dernière croisade quoi. Le truc se résorbe et tout quoi. C'est-à-dire vraiment tout. Ça guérit tout quoi. Okay. Et Et donc ça c'est le point de départ. Et ensuite bah évidemment il attire les convoitises de tout le monde, l'industrie pharmaceutique qui veut lui prendre ce truc pour le commercialiser. Enfin en gros il se retrouve entre mille feux de gens qui veulent le, enfin même d'autres gens qui sont d'autres mycologues qui veulent du coup s'emparer du truc pour lui enfin lui voler etc. Et du coup il se retrouve un peu poursuivi par plein de gens. Alors c'est un peu nul d'écrire comme ça, mais vraiment la série est vraiment trop bien, les dessins sont trop cool. Enfin, ouais, ça a l'air joli. Ouais. C'est assez joli. 10 fois 20 minutes. Voilà, et c'est ça, c'est un peu une course poursuite. Mais c'est drôle, c'est de la comédie. Pas tant, ouais, un peu. Mais parce mais que je vois que dans les enfin je vois qu'il y a Dave King et Millie Penas et Mike Judge qui est le créateur de ouais. Beavis and Butthead, ouais, donc ouais, je me ouais. dis peut-être que mais non, et Silicon c'est, Valley d'ailleurs. C'est un il y a des trucs drôles mais c'est surtout une aventure mais quoi. C'est surtout ouais. un truc de même tu enfin un peu de suspense et tout et de trucs un peu même badants et tout, enfin c'est vraiment une série animée pour adultes. OK. Et c'est super, il y a qu'une saison pour l'instant mais je recommande ça. Common Side Effect, et t'as tout vu? J'ai tout vu. D'accord, trop bien. Bon bah Common Side Effect sur HBO Max. Camille, moi je vais recommander un truc que j'ai pas encore vu en entier, mais en fait je suis allée au Frames cette année là et j'ai rencontré plein de gens et il y a deux mecs qui m'ont vu sur scène et qui après m'ont dit ah faut absolument que tu regardes ce truc, tu vas trop aimer, et ils m'ont parlé de ce truc pendant une heure et je pleurais de rire quand ils me racontaient les trucs de ce truc. Donc c'est ils m'ont parlé du travail de Tim Heidecker. Ouais. Okay. Je le dis bien. Oui. Et donc il me parlait, donc peut-être vous connaissez. Oui, Tim et Eric. Ouais, ouais. Mais il me parlait plus précisément de On Cinema à The Cinema. Ah, ça je connais pas. Ah, je connais pas. Et c'est une espèce de porte que t'ouvres et qui t'emmène vers une nébuleuse sans fond. En gros, c'est tout est dispo sur YouTube. Hein. C'est deux mecs, donc Tim et un autre gars qui présentent une émission de cinéma. Okay. Et donc ils sont tous les deux assis dans une salle de cinéma et ils parlent que de films de merde sans aucun savoir. Ils parlent que le de la durée des films. Oui, ça peut plus... c'est pour ça que je vous en parle. Vous allez voir connaître, vous identifiez immédiatement. Ils parlent que de la durée des films, de s'il y aura un 2, un 3, un 4. Et ils sont obsédés par la notation, genre ils donnent 4 sauts de popcorn et 2 sodas pour noter les films. Et ils se détestent les deux. Okay. Ils se parlent que de manière passive-agressive. Et plus les épisodes avancent, plus la tension monte et ils sont horribles les uns avec les autres. Et il y a plein de spin-off de ce truc-là. Ok. Et ça part loin et ils font même des lives. Enfin, il y a des lives uploadés sur YouTube. Okay. Parce que c'est très vieux, ça a 12 ans en fait. Ah ouais? Ah ouais, je vois qu'il y a 150 épisodes. Ouais, c'est hyper dense. Et ils font des lives où ils commentent les Oscars de manière merdique et tout. et c'est, en fait, on parlait de ça en me disant ah, c'est un peu l'esprit glamouze où ça va loin dans le mal-être et tout. Oui. C'est hyper cringe et tout. Et j'ai commencé à mater ça et faut un peu s'accrocher. C'est vieux, ça se donne pas facilement. Ouais. Et j'aime bien quoi, l'idée de me dire. Et puis les commentaires des premiers épisodes sont exceptionnels. Tout le monde t'accueille en te disant bah bienvenue dans ce gros délire. Ouais. C'est excellent et tout. Et c'est marrant, je suis devant là. Il y a aussi, j'aime bien le manque total de chemistry between les deux hosts est incroyable. Ouais. Ouais, c'est génial. Le acting est vraiment super. C'est assez minimal et tout. J'aime bien. Ça fait longtemps que j'ai pas découvert un gros truc comme ça, ouais. Un peu excitant, une vieille niche et tout. Trop cool quoi. Voilà. Ah, trop bien. Génial. Et ça se regarde où? Sur YouTube? Sur YouTube, il y a une playlist qui est assez bien faite. En tout cas pour le début. Après, ça part un peu dans tous les sens, faut aller sur le Wikipédia je crois pour aller dénicher les trucs. D'accord. Bon bah trop bien. On Cinema de cinéma cinéma de effectivement je vois Tim and Greg. Ouais. Greg. Il est super Greg Turkington et Tim, alors tu vois moi je le dis pas bien pour le coup, Tim Heidecker. Ouais. Voilà. Clément. Bref, 2. J'ai failli faire la blague aussi. Non, j'ai pas. Alors, je vais être décevant. J'avais pas anticipé la question, alors qu'elle est dans tous les épisodes. J'ai pas vu un truc qui m'a ultra marqué récemment. Je pourrais vous dire que je suis en train de lire un super livre qui fait plus de 900 pages en ce moment, mais c'est pas le. Voilà. J'en suis qu'à la 100e page. J'ai pas grand chose, donc je vais rester sur les cours de bricolage de, bricolage de Leroy Merlin qui sont vraiment super. Moi j'aime bien, c'est une super reco. Hein. Ouais, non, j'ai pas un truc à la hauteur de ce que vous avez dit. Mais qui se prennent en ligne ou tu dois aller au magasin? Parce que du coup, moi je vais au fond de ta reco, hein, je veux tout savoir. Non, alors c'est. Non, tu vas au magasin physiquement, okay. Et tu essayes. C'est, ah, c'est-à-dire, ouais, qu'ils ont un mur dédié à ça où tu perces, tu fais vraiment, ils te, oui, montrent même derrière et comment ça se passe. Et t'es avec d'autres gens? Nous on était trois. Ouais, il y avait un autre gars qui était un peu culte. Mais t'es genre 5 max quoi. Attends, il avait posé une question exceptionnelle. Oui. Ça, le gars montrait comment repérer si un niveau à bulle était donné la bonne bulle quoi. Ouais. Et, mais c'était un truc un peu con quoi. Et le gars il a fait: excusez-moi, est-ce que vous pouvez remontrer ça? Oui, c'est vraiment des gens qui découvrent le bricolage quoi, c'est vraiment, ouais. Nous on découvrait aussi et vraiment, ouais, c'était assez c'était vraiment vous poser le truc quoi. C'était de ce niveau là. C'est très bien, moi c'est ce qu'il me faut aussi, hein. Ouais, ouais. C'est mais non, c'était super. Et donc tu y vas, tu fais des essais, tu peux faire autant de fois que tu veux, ils te fournissent les petites vis, oh là là, voilà, et c'est pas trop cher, ouais, c'est, ouais, par c'est rapport pas... à la valeur ajoutée, non, je sais plus, c'était genre 50 balles quoi. Mais... Ah, ça va. On a bitché sur le gars pendant des heures après. Ouais, ouais. Oui, donc en plus il y a une plus-value. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. C'est énorme plus-value. Ça fait partie de l'expérience. Je me demande même s'il n'était pas payé pour être plus nul que nous, tu vois. Oui, pour que vous sentiez bien. Oui, ouais, c'est possible. Ça. Bon, bah très bien, écoute, les cours de bricolage de Leroy Merlin. Alors moi, c'est un film. J'aurais du mal à vous dire que c'est un grand film, mais j'ai vraiment. Il y avait un plaisir qui était là. Je lui ai parlé, je ne l'ai pas boudé une seule fois. Oh ouais, c'est un film qui s'appelle Avoc. Donc en français, ça s'appelle Ravage, je crois. Ok. De Gareth Evans. C'est un gros film d'action Netflix bourrin, un peu débile, mais qui s'assume un peu comme tel. C'est-à-dire que le scénario est pas très bien, mais je pense qu'ils s'en foutent un petit peu. Mais par contre, il y a des grosses bagarres et ça tire de partout. Et moi, j'aime bien ça. Tu vois, on parlait de Dread. Alors, c'est moins bien que Dread, hein, mais il y a, moi, ça peut me parler, ce genre, okay, de film. Et là, je l'ai vu au bon moment. J'étais fatigué d'une grosse journée. Ma meuf était allée se coucher tôt, etc. J'étais tout seul devant la télé. Je savais pas quoi regarder. Et j'ai vu ce truc-là, et en fait, c'est par le réalisateur de The Raid et The Raid 2, qui sont des, pour le coup, des vrais gros films de baston incroyables, quoi. Et le mec avait fait une série qui s'appelait... Attends, The Raid, c'est pas indonésien ? Si, j'avais bossé, ouais, sur le premier, je crois. Ouais. Ah, c'était, bah, chez SND, non ? Ouais, c'est ça. Je sais pas chez qui c'était, mais oui, oui. C'était SND ou Metro, j'ai bossé chez les deux, et voilà. Bah voilà, et bah, le réalisateur, Gareth Evans, qui lui, est, il vient des Pays de Galles, pour le coup. Ok. Mais c'est lui qui a réalisé ces deux films. Et il a réalisé aussi Godzilla, non? Non, ça c'est Gareth Edwards, je crois. Ah, okay, et, bon, ouais, ouais. Non, mais ils ont essayé de te piéger en même temps. Ouais, ouais. Et bref, c'est de la grosse façon. Il avait fait une série qui s'appelait Gang of London aussi, que moi j'ai pas vu, mais qui paraît est super. Et donc c'est top, l'histoire, c'est juste c'est un. Pff, franchement, l'histoire c'est nul si je vous le dis. C'est vraiment un mec qui est accusé à tort, et donc du coup il y a des cartels de trucs qui veulent le choper, et donc il, ouais, y a un flux corrompu. On n'a pas envie de. On en a rien à foutre, ouais. Puisque ce qu'on veut c'est Tom Hardy avec un pistolet. Ah, c'est Tom Hardy. C'est Tom Hardy. Qui se tatane, qui se bagarre. Jason Statham. Oh, t'es con. T'es con, c'est t'es Jason, con, t'es con. Tu confonds. Et il y a des très bonnes scènes. Je veux pas vous spoiler. De toute façon, il y a pas trop. Faut voir. Faut le voir pour y croire. Donc on se fait un petit peu chier au début, mais après quand ça part, il y a une scène dans une boîte de nuit, ouais, sur du Gezafelstein qui dure 20 bonnes minutes. Rosa Burstein. Rosa Burstein, ouais, pardon. Ouais, mais qui s'est mis à la techno aussi. Donc voilà. Il y a une chronique France Inter. Mais voilà, par exemple, à un moment, c'est dans une boîte de nuit, il y a un seau à champagne, elle, avec une bouteille de champagne dedans, la meuf, elle le prend, elle explose la gueule d'un mec avec ça, elle jette le seau à champagne, donc la bouteille de champagne sort du seau en, okay, vol, elle l'attrape en vol et elle l'éclate sur un deuxième gars. Pas mal, pas c'est mal. C'est ce genre de choses, voilà. Oui, moi, je suis très sensible. Je suis sensible à ce genre de choses. Oui. On est dans un monde où tout le monde sait trop bien se battre. Mais j'aime bien, voilà. Ça me plaît, ça me plaît. C'est un peu craspec. Ça me rappelle ma propre vie. Et donc voilà, donc ça s'appelle Havoc, Ravage en français, et c'est de Gareth Evans avec Tom Hardy, et c'est très bourrin, c'est très débile. Il y a aussi Timothy Olyphant, Forest Whitaker, et j'aime bien. Non. Oui, non, ouais, on aime bien, on aime bien, casting. On aime bien. Il y a des flics corrompus qui se font casser le nez. Enfin très voilà, bien. On aime beaucoup. Il y a une scène de course poursuite où il balance une machine à laver sur la bagnole. Enfin voilà, moi j'adore. C'est des films que j'aime beaucoup, et je vous le conseille. Il est très mal noté sur les Letterboxd. L'expression lancer une machine. Je vais lancer une machine, tu sais, quand tu vas faire une machine. Ah. Tu... Franchement, non. Non, non. C'est quoi là pour le coup? Non. Ouais, je comprends, mais j'avais prévenu, hein. Chers amis, c'est la fin de ce Floodcast. On va faire un dernier tour de table. Alors, déjà, ce que vous faites ensemble, il y a le podcast 300% plaisir avec le nouveau Floodcast. Voilà, c'est ça. Non, mais il faut le dire, c'est important. Mais non, mais allez-y. De toute façon, c'est maintenant qu'on prend le truc, quoi. Faites mieux. C'est pas dire. On a pas cette prétention. Vous savez quoi? À dans 10 ans. Ouais. Non, non, mais c'est marrant d'ailleurs. On l'a pas du tout fait exprès, mais je me rends compte que ce qui est pas mal avec cette dernière saison, c'est qu'on reçoit plein de gens qui ont des podcasts. Il y avait les filles de Girls, Hot Girls Only, le Mousecast aussi qui s'est lancé. Et là, voilà, 300% plaisir. Étienne Lautrette, Camille. Et Clément, et en gros c'est quoi le concept? C'est pour du talk, on est bien d'accord. C'est du bien talk. Sûr. Ouais, on va pas réinventer la roue, on invite des gens, on rigole, et parfois on invite même personne et juste on rigole. Ouais. Et voilà, on essaye de thématiser un petit peu. Chaque épisode un petit sujet. Voilà, on essaye d'avoir un petit sujet, un petit fil rouge, et puis après on digresse et voilà, ça fait à peu près une heure, c'est tous les mercredis. Voilà. Ça reste récent, hein, on est encore en train de se découvrir, on en est on a publié le 8e là au moment où on se marre. Voilà, mais c'est très cool. Et moi je vous invite, c'est marrant, on passe un bon moment, c'est tout. Voilà, n'hésitez pas à écouter ce podcast, ça fait très plaisir. Bien. Et vous faites de la scène aussi, alors pas ensemble, vous n'êtes pas Charlie et Dino, mais on peut vous retrouver sur des scènes chacun de votre côté. Au Random par exemple, dont on parle souvent Bah, ce soir, je joue au Random Comedy Club. Mais vu que c'est dans le passé pour les gens. Ouais, c'est nul à chier. Bah, si on a des dates, là on commence à faire un peu des 30 minutes un peu. Ah, génial. Un peu plus long. On joue à Toulouse bientôt. Ouais. Vous avez des dates ou pas du tout? Non, rien encore. Ouais. On en a qu'une pour l'instant, mais. Ouais. Moi, je vous googlisez, vous pouvez googliser. Ouais, j'ai aucune date en tête. Une fois par mois, on a notre plateau à nous, quand même. Une fois par mois, on a notre plateau à nous. Ah oui, si, on a le. Ah oui, ça, c'est une promo. Bah oui. On a le Coin Coin Comedy Club tous les mois au Cartel Comedy Club. Bien sûr, le Cartel aussi, dont on parle souvent ici. Plein de gens super là-bas, le Cartel. Trop cool. Trop bonne ambiance. Ça va, vous kiffez la scène? Ça se passe bien? La dernière fois qu'on t'avait vu, Camille, t'étais genre je sais pas, j'aime bien, mais en même temps j'aime pas. Ça va mieux ou c'est un non, peu... Non, c'est pire. Okay. C'est atroce. Ouais. D'accord. C'est atroce. Le mot atroce a été... Et bah top, écoute. Voilà. Non mais très bien. Venez me voir. Génial. Petite actu, dans un an je sors un film. Voilà. Je le dis vite fait à la mais fin. Mais c'est ce que tu disais, début d'année prochaine. C'est ouais, ce que début d'année prochaine. Mais c'est un film destiné à YouTube? Sur ta chaîne? J'aimerais bien qu'il ne finisse pas sur YouTube. Dans le premier temps, j'aimerais peut-être qu'il fasse des petits festivals et tout. Bien j'ai aucune idée de si je peux le sortir, ne serait-ce que dans deux salles en France pour légitimer le projet, c'est génial. Pour j'ai le plaisir. Il y a MK2 qui fait des fois des choses comme ça, c'est joli. Ce genre de choses. Si ça se trouve, il y a une plateforme, sans parler de Netflix ou Amazon, mais si ça se trouve, il y a une petite plateforme qui voudrait bien me l'acheter, bah j'en sais rien. C'est un espoir que j'ai pour légitimer le travail de tout le monde. Mais voilà, je sais pas encore. Parce que c'est plus gros que les trucs que t'as fait avant. C'est mieux fait. J'ai 40 000 euros de budget. Voilà. C'est un film à 40 000 balles de budget. C'est un plus gros budget. Il y a une vraie caméra, il y a un vrai ingé son. Il y a Thomas, Thomas que j'adore. Thomas Boland. Ah oui. Ah ouais, tu le connais. Je le connais, du Grabuge. Bah ouais, bien sûr. Ouais, puis il a fait un film que j'ai hâte de voir sur Shrek, ouais, un docu. Shrek Live. Que j'ai pas vu et le pitch, j'adore. Donc j'ai hâte de voir. Ouais, c'est trop bien. Bah, je pourrais t'envoyer un lien. Ah là là, celui-là. Et non, et voilà, il y a aussi plein de gens qui sont déjà venus là. Il y a Jenny Letellier, Lucas Pastor. Évidemment. Des gens très drôles. Oui, il y a que des gens marrants. C'est de la comédie de toute façon. C'est de la comédie. Voilà. C'est de la comédie. Une comédie un peu noire, un peu horrifique. Oh là là, celui-ci. Voilà. Le manoir, quoi. Non. Quasiment. Non, mais ça se passe dans un gros château qui pourrait être un manoir. Donc, d'accord, ok, très bien. Il y a un une ambiance voir. Similaire, mais comédie horrifique, d'accord, très voilà, bien. C'est ça. Génial. Ouais, j'ai hâte. Chambé. Adri, ouais. Ça a écrit. Ça prépare ça écrit, des lives. Ça écrit la salle Playel. Ça écrit la salle Playel. Ça arrive loin. Ça organise. Ouais, ça envoie des textos. Ça appelle. Voilà. Ouais. Et puis voilà, c'est ça. Enfin, non, j'ai d'autres trucs, mais ça sert à rien d'en parler, quoi. Eh ben oui. Enfin, c'est comme d'hab, quoi. Très bien. Ça bosse dans son coin. Ça travaille. Ça écrit. Magnifique. Génial. Bon, ouais. Bah écoutez, merci d'être venu. C'est trop cool. Merci de nous avoir invités. Avec grand plaisir. À la semaine prochaine. Et salut tout le monde. Ciao. Au revoir. Bye. Le kombucha. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.